Bonjour à tous. Il n'y a pas eu le gros métal. Non, mais non, non, il est rajouté au montage. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Floodcast. Le 22e ? Non, le 14e. C'est le 14e. Bonjour à tous. Bonjour. Autour de la table, des invités. Exact. Comme plutôt chaque semaine, en vrai, hein, on va pas se mentir. Je suis avec Justine Le Potier. Le régal. Petite chanson comme ça, voilà. Bonsoir. Bonsoir Justine. Bonsoir, alors pour ceux qui Flaubert. Ne te connaissent pas, Justine, petite présentation. Tu es comédienne principalement. Oui. Majoritairement. Majoritairement. Tu es également auteur. Oui. Et voilà, peut-être d'autres choses. Tu as fait quoi? Tu fais des vidéos sur Internet. Je vis quoi. Tu vis et tu vagues. Et peut-être. Je vis. Très bien. Vis ta vie à pile ou face. Exactement. Comme une boule de flipper. Absolument. Donc ouais, à Golden Moustache. Dans le passé, tu avais fait le Visiteur du Futur aussi, oui, dans le rôle de Judith. Futur. Exactement. Ouais. Et là, tu vas sortir un sketch bientôt. On en parlera à la fin de l'émission. Eh ben, tiens, t'as dit Balasco ou pas? Et oui, non. Et ah, mec, il oublie le truc. Et tu as joué au théâtre. Avec dans une pièce écrite et mise en scène par Josiane Balasco, ex-membre des Nuls. Navi, on est avec... Mais non. Mais pas du tout, enfin, il s'agissait du Splendide. Virginie Navi, bonjour. Donc c'est ta première venue dans oui, ce podcast. Ça me fait très plaisir. Mais les gens qui consomment souvent des podcasts te connaissent, ouais. Car on t'a entendu dans plusieurs émissions. Ouais. Moi je vous présente, mais vous le ferez sûrement mieux que moi, hein, donc ouais. N'hésitez pas. T'inquiète pas, je vais te clairement ouais, je vais tenir la main si tu veux, je vais me présenter. Donc présente-toi, je t'en supplie. Ouais. Salut, moi je suis auteur du coup et scénariste. Et je présente aussi l'émission, donc une émission sur le sexe avec Sophie Marie. Sophie Marie Larouille. Larouille qui viendra dans cette émission. Qui va venir un jour. Troller parce qu'elle est jamais loin aussi. Pour moi, vous n'existez pas l'une sans l'autre. Si, à quel point on vous voit tout le temps ensemble. C'est vrai. Je suis même surpris, je crois que c'est la première fois que je te vois seule. Moi, je crois que c'était la même personne, c'était juste de dos, on voyait. Ouais, c'est ça. Pourquoi vous aviez deux têtes, en fait. Vous aviez deux têtes. C'est comme Voldemort. Il y avait la tête à l'arrière du crâne. Non, on fait des trucs tout seul quand même. Mais on se voit souvent, c'est vrai. Vous l'avez vexée. Non, mais tu rigoles pas. Vous voyez pas son visage, elle est extrêmement vexée. Elle a fait un doigt à Flaubert. En vrai, elle a chialé du sang, ce qui nous a tous surpris beaucoup. Voilà. Donc, et donc j'écris principalement des livres. D'accord, voilà. Mais on en parlera à la fin de l'émission, ouais. Mais tu sors un bouquin ouais. Bientôt. Oui, tout à donc fait. Donc tu nous parleras avec gentillesse. Oui. Oh, je suis le pire animateur. Nous sommes avec Valentin Vincent. Ouais. Oh, oui. La valise. Celui que l'on surnomme la valise. En tweed. En tweed ou en plein d'autres tissus. Voilà, c'est vraiment tous les matériaux sont autorisés. Hein. Mais les matériaux doux et agréables au toucher. Bien sûr. Bah, toujours. Que Valentin, toi aussi, la première fois que tu viens dans cette émission. Ah oui, bah alors là, j'ai l'impression d'accomplir un rêve. Hein. Oh. Bah, je comprends. Et alors, Valentin, toi, tu es auteur principal, auteur-réalisateur. C'est ça. Comédien aussi. Et comédien, imitateur de temps en temps. Plus souvent qu'à son tour. Bonjour, c'est Johnny. Pardon, parce qu'il y a Johnny Hallyday qui est. Johnny, s'il vous plaît, attendez. Non, mais deux secondes. On voulait faire un guest et tout, et il arrive comme ça. Deux petites secondes, Johnny. Il est très relou. Donc, oui, Valentin, pardon. On a été interrompu par Johnny. Valentin. Johnny Hallyday, le chanteur. De toute façon, c'est simple, il dit son prénom à chaque fois qu'il parle. Souvent les célébrités qui sont à tes côtés. Tout vrai. Parce que Valentin est ami. Je suis pas physionomiste, alors il le rappelle à chaque fois. Non, mais c'est vrai, c'est chiant. C'est très très chiant. Donc oui, Valentin, auteur-réalisateur. Tu as fait des sketchs pour Golden Moustache principalement. Principalement. J'ai écrit deux trucs à droite à gauche, mais surtout Golden Moustache. Yes, l'Assemblée intergalactique, entre autres. L'Insomnie, qui est sorti il y a pas longtemps et qui a très bien marché. Donc, je suis très content. Très bien. C'est vrai. Je suis très content. Merci. Les gens ont kiffé. Il faut savoir pour les dessous de Golden Moustache. Navo, auteur sur Bref, Bloqué, tout ça, la bande pas dessinée, a été directeur artistique de Golden Moustache avec moi pendant une courte période, et on a été DA du sketch de Valentin nous a proposé son texte sur l'insomnie et on l'a adoré et on n'était pas les seuls parce que vraiment plein de gens l'ont kiffé et encore bravo. Ça me fait très plaisir. Il est trop bien ce sketch. Bien. Ouais, ouais, il est vraiment trop bien. Donc voilà, merci d'être venu Valentin. Un grand plaisir. Continue des compliments. Vraiment continue, merci c'était d'être venu. Très bien. Voilà, voilà. Meilleur bisutage. Et nous sommes avec j'ai l'impression que cette personne a une trace de lunettes autour de l'œil, autour d'un œil, peut-être des lunettes d'un sniper, peut-être. Peut-être. Alors peut-être. Il l'a dit à la fin. Mais moi, honnêtement, parce que j'avais vraiment pas compris. En fait, pour savoir ce qui s'est passé, c'est que j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'Adrien faisait son regard. Où il va? je comprenais vraiment pas ce que tu voulais dire. Voilà. Adrien Méniel. Bah, pareil que d'hab. Hein, voilà, parce que ça y est. Toujours les bons coups. Oh, Baffi. Auteur réal. Il déteste qu'on lui donne son nom. Je sais. Du coup, on va lui donner à chaque émission. Voilà, ouais. Auteur réalisateur, comédien aussi, oui. Pas mal. Émérite. Et être humain de grande qualité. Contrairement à ce que tu disais qualité. Hors antenne, où tu as dit que j'étais un des pires humains de la Terre. Non, il a dit le top 10. J'ai dit que j'étais dans le top 10 des pires, t'as des dit. Pires humains. Mais t'as répondu, t'étais content d'être dans un top. Voilà. Ça, c'est voilà. Bon, c'est on ça, reconnaît c'est... là le. C'est hein les coulisses, hein, on vous dévoile un petit peu les petites ficelles du truc où Flaubert m'insulte. Hors micro et fait son HQ. C'est beaucoup ça. Pendant l'émission. Voilà. Il faut savoir, vu qu'on en est à vous donner les coulisses, que le matériel ne marchait absolument pas. Il y a encore une heure et demie. Et il a fallu enlever une carte SD et la remettre. Donc, comme quoi, la technologie. On a mangé. Du coup, on a mangé avant. On a mangé, on a bu. On a mangé, on a bu. Raisonnablement, bien sûr. On a le ventre bien tendu. Et puis, bon, et les mecs, merci, ils vont sur la Lune, ils savent même pas faire marcher une carte SD. La société, elle est à deux vitesses, quoi. Pardon, il y a des gens qui dorment dans la rue et les gens vont sur Mars. Moi, ça me paraît complètement déséquilibré. Voilà, occupons-nous des gens qui sont sur Terre déjà. Pire humain, c'est bien ce que tu disais. En tout cas, merci d'être venus, les amis. Merci d'être venus tous ensemble. Avec plaisir. Comme d'habitude, on va faire un petit tour de table. Petit tour de table de savoir de ce que vous avez vu. Je peux juste préciser un truc. Valentin mimait comme s'il allait se lever pour faire le tour de la table physiquement. Non, mais c'était mignon. Il a vraiment... Bon, il s'est dit, en revanche, chemin, c'est peut-être pas la meilleure blague. Et surtout, elle est peu radiophonique, donc c'est peut-être aussi pour ça. Elle était pour les coulisses, justement. Ouais. Voilà. À la nuit originale, un carton, mais là, il n'y a pas de caméra. Très, très peu de caméra. Merci. Donc oui, petit tour de table pour savoir si vous avez vu, écouté, entendu quelque chose de cool cette semaine et la partager avec nos amis auditeurs. Valentin, je commence par toi. Oh, j'ai trois petits trucs, je vais essayer d'être rapide. Ah bah n'hésite pas. Alors, la première chose, c'est un livre, ce qui m'étonne moi-même. Ouais. C'est un livre pour enfants, donc ça va. Ça va. Alors, je le sors parce que j'ai oublié le titre. Ça ne se voit pas non plus. Arrête de faire des choses par radiophonie, Valentin. Je vous le dis. Il a besoin du titre. Parce qu'il y aura un petit temps. Tu veux pas l'aider, Adrien ? Pour l'instant, on va faire un jingle. C'est bon. Le livre de Valentin. C'est bon. C'est un livre pour enfants qui parle de l'intelligence artificielle. Alors, je sais pas si c'est pour enfants, mais en tout cas, ça a un format et c'est pour accessible. Voilà, c'est de la vulgarisation scientifique. Et on m'a apporté ça, et donc c'est dessiné par Mario Montaigne. Excellente Mario Montaigne qu'on peut rappeler qui fait Tu mourras moins bête. Voilà. Tu mourras moins bête. Donc elle est habituée au dessin de vulgarisation scientifique, justement, et accompagnée d'un auteur, d'un journaliste, Jean-Noël Lafargue, qui ne doit pas être journaliste parce que il est prof. je le découvre et derrière. Médecin. Il n'a pas lu ce livre. Si. Justement, j'ai trouvé ça très bien, très drôle. Donc ça parle vraiment ça fait un petit historique très rapide de l'intelligence artificielle. De l'intelligence artificielle, donc où on en est, d'où ça part, qu'est-ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, etc. Le seul petit défaut, c'est qu'il y a tellement d'informations que ça va un peu vite. Et donc, moi, j'avais un ordinateur à côté. Et donc, dès qu'il disait un nom, et j'allais taper sur Wikipédia parce que ça n'approfondit pas. Ouais. Oui, mais c'est bien pour te donner des pistes, du coup. J'ai rien de plus à dire. C'est très drôle. Il y a vraiment des bonnes blagues dedans. Et en plus, on apprend plein de choses. Et il faut savoir que c'est dans une collection, parce que je l'ai vu au salon du livre, la petite BDTech du savoir. Oui. Et en gros, ils ont plein de sujets aussi variés que le féminisme. C'est ça, et là il y en a un sur l'univers avec écrit par Hubert Reeves. D'accord. Que je voulais lire aussi, du coup, parce que c'est un sujet qui m'intéresse. Et j'en connais un qui va apprécier cette collection à juste titre. Oui, c'est vrai. Ce serait plutôt insolite. Voilà pour le. Bah, très bien, voilà, mais une super collection, je te dis. Moi j'ai bouquiné celui sur le féminisme et le hard rock au salon du livre. Oui. Et c'était exactement ce que tu décris, intéressant et marrant. Donc voilà, la petite BDTech du savoir. Et super, je savais pas que ça existait. Chouette collection. C'est pas pour les enfants. Non, c'est mais c'est accessible pour les voilà. Je pense. Non, mais je pense qu'à partir du collège, tu peux commencer. À... Voilà. Bah, tu vois, je vais me l'acheter, tu vois. Quoi d'autre, mon bon Valentin. Eh bien, valise en velours. Hier, je suis allé voir le spectacle de Kian Kojandi. Oh non, il m'a piqué mon truc. Ah merde. Mais on va discuter. Donc, coécrit avec. C'est mûrement réfléchi ou alors c'est un peu sur une pulsion que t'es allé le voir. Ça, c'est pas mal. Excellent, c'est le titre du spectacle. Parce que c'est. Oh, il va trop vite. Et coécrit par Navo, Bien sûr. Qui a fait sa première partie et qui était donc c'était très drôle, voilà, tout était très drôle la première partie. T'as kiffé la première partie? Oui, oui, j'ai beaucoup aimé. Est-ce qu'il a fait le truc ultra malaisant de bien entendu, oui, qui est très voilà, c'était Navo qui imagine Navo qui prend un micro qui va dire je vais parler à 300 personnes. Bon, c'était ça, mais moi j'ai rigolé. Et qu'est-ce que je voulais, oui, alors j'ai trouvé ça très très drôle et j'ai trouvé ça aussi très touchant, très émouvant et je vais pas vous le cacher. Oh, j'ai lâché une petite larme à la fin. La honte. Hey. Et non, c'était vraiment super. D'accord. Vraiment très très bien. Oui, Virginie, tu l'as vu aussi, toi? Oui. Et effectivement, je l'ai vu deux fois. Il y a une belle surprise à la fin. Spoil pas. Pardon. Un gâteau. Mais, non, mais c'est vraiment très bien. Il était mort depuis le début. Extrêmement. En fait, le spectacle, c'était un rêve. Oui. C'est extrêmement sensible. Ça apparaît au début tout léger. Et vraiment, il te prend la main et il t'emmène dans une zone de son cœur. Et c'est vraiment très, très mignon. Non, mais c'est vraiment. T'as accroché humainement. C'était une belle aventure humaine. et puis, du coup, c'était un peu chaud après le Navo chaud qui était dans le malaise le plus total. Ouais, qui était dans le malaise, mais c'était drôle parce que, bon, effectivement, quand tu connais la personne, tu te dis ça va, mais j'avais vraiment des gens à côté de moi. Qui détestent. Ouais. Qui était très mal à l'aise. Mais il y a quand même beaucoup de rire. Oui, bien sûr. Mais j'étais avec une personne qui ne connaît pas du tout. Et justement, je me suis dit, oh là là, comment. Et en fait. Mais ça ressemble à du rire lâcher prise. Genre, bon, allez, on va voir. Oui, quoi son thème Le thème de sa première partie. On peut pas, faut pas le dire, faut pas le dire. Et dire son thème, c'est. Ouais. Mais pour te donner une idée, ma meuf a encore plus kiffé la première partie. Enfin, elle a été encore plus, comment dire, réceptive à cette première partie parce que c'est. Ça n'existe pas en France. Enfin, en tout cas, je ne l'ai jamais vraiment vu. C'est du Monsieur Fred. Ça n'existe pas. Et vraiment, le final est canon. Voilà, et c'est très bien fait. Et oui, effectivement, c'est très loin de ce que fait Cannes. Canon, tu veux dire. Et oui, et le spectacle de Cannes, moi, j'ai eu la chance de le voir aussi. Et ouais, non, c'est très bien. Ça ressemble beaucoup à Cannes, en fait. C'est un spectacle, c'est vraiment lui. Et c'est un joli pont entre le stand-up à la Ricken où vraiment il lâche des vannes dans un micro et un truc un petit peu plus français de personnage. C'est parce que Kian, en fait, il est comédien et en fait ça se voit parce qu'en fait il profite de ses talents de comédien pour vraiment faire exister des personnages. C'est-à-dire que quand il va faire l'enfant, il va vraiment le faire à 200% pour que tu vois l'enfant, quoi. Il va prendre la voix, les tics, les trucs. Et c'est vraiment un entre-deux, je trouve, entre le stand-up Ricken et le sketch à la française. Et ça marche, c'est un très bon cocktail, quoi. Et je trouve qu'il n'y a pas de ventre mou. Dans certains spectacles de stand-up, il y a toujours genre un début où ils font bien rentrer dedans et une fin de ouf, et souvent il y a quand même 2-3 sketchs où je fais bon, il les a mis parce que, mais bon, c'était et parce là chaque je peux pas dire je pourrais pas dire lequel est mon préféré dans donc il y a différents thèmes abordés et vraiment c'est toujours très bien et les running marchent très ouais, bien des bonnes impros aussi. C'est Pulsion et c'est à l'européen mais je pense que ça va se balader un petit peu partout en France, je pense, parce que ça marche pas trop mal. Mais il rentre pas de tournée, je me demandais, parce que... C'était pas du rodage ? Ouais, c'était du rodage, t'as raison. Enfin, je pense qu'il va faire une tournée des salles, peut-être un peu plus grosse. Enfin, je sais pas, du tout, en même temps, là, je parle, j'en ai... Il sur Twitter, mais j'ai oublié la date, mais... D'accord, mais en tout cas... C'est canon. Voilà, en tout cas, c'est vachement bien, et allez le voir, c'est très rafraîchissant, et un petit peu, et mine de rien, nouveau. Donc allez le voir, c'est vraiment cool. C'est vraiment très drôle parce que souvent quand c'est un peu émouvant, on retient surtout le côté émouvant parce que c'est rare, mais c'est vraiment très très drôle aussi, quoi. Vous allez vraiment rire très fort. Justine Le Potier. Oui, c'est moi. Oui, bonjour. Vous allez bien ? Bonjour. Ça va, vous ? Tranquille. Oui, très bien. Est-ce que vous avez vu, écouté ou lu quelque chose de plutôt cool cette semaine ? Oui. Alors, racontez-nous. J'ai été voir un spectacle qui s'appelle Les Chatouilles. D'accord. Et voilà, qui comme son nom l'indique, non, c'est vrai. Il n'est pas un spectacle du tout comique. D'accord. C'est un spectacle, c'est un seul en scène. D'accord. D'une jeune femme qui s'appelle Andrea Bescon. D'accord. Et que je recommande. Enfin, je ne connais pas. Je mets au défi n'importe qui de ne pas aimer ce spectacle. Ah ouais. Waouh. Tous gros les. Défi. Non mais gros moi, défi. Même toi. Je pense que tu... Même Adrien Méniel. La pire merde de la Terre, tu veux dire. Exactement. Donc, top 10. Arrête de vouloir être le premier. C'est top 10. Je pense que tu vas être cueilli, mon bon Adrien. Ah, telle je une voudrais petite bien jonquille. Voir ça. Telle une petite jonquille du printemps. en fait, c'est au-delà du Qu'est-ce fait... que ça raconte, à peu près, sans Alors, spoiler. C'est là où ça va être... où les gens, a priori, n'ont pas envie d'y aller. C'est que ça parle d'une jeune femme qui a été victime de pédophilie quand elle était... petite et D'accord. qui le raconte. Okay. Donc a priori t'as pas forcément envie d'aller voir ça. Un vendredi soir. Ouais. J'ai rarement vu sur scène une fille faire un truc pareil. C'est à dire que je pense que là on peut se vanter d'avoir une des meilleures actrices du monde. Faut dire qu'elle fait du diabolo en feu et c'est vrai que c'est rare sur scène de voir ça. Elle fait non mais c'est extraordinaire ce qu'elle fait, c'est à dire sans il y a pas un décor, il y a pas un costume, elle est toute seule. Et elle seule. Tient tout quoi. Et elle est à la base c'est une danseuse. Donc elle danse aussi énormément. D'accord. Elle joue 6 fois par semaine et il faut... Pff, c'est wow. extraordinaire. Six, c'est ouais, six fois c'est par beaucoup. Semaine, c'est ta peau contre ta peau, je crois. Pardon. Oui, sur son Indochine. Ah, oui, c'est trois nuits ouais. par semaine. C'est, oui, bah, je, voilà. Mais t'as adapté. C'est une parodie. Très, voilà. À propos, évidemment. Navi, est-ce que tu as autre chose que, les, que le spectacle de Kian en tête? Ouais, ouais, alors, ouais, bah ouais, mais je suis un peu en retard, mais j'ai terminé enfin Sense8. D'accord. Que j'ai la série. Spoil pas, s'il te plaît. Non, mais jamais. Mais, ouais, mais des fois, les gens disent des trucs et ça spoil, et après, ils font ouf, je spoil pas. Ça spoil un peu. Non, non, j'ai adoré. Alors rappelons peut-être que c'est une série Netflix. Ah bah je vais, du coup, je n'ose plus rien dire. Il y a le sniper qui m'a dans le viseur. Donc, ouais, t'as le petit point rouge sur le torse. Hein. Mais non, non, c'est vraiment très étonnant. Je trouve ça très bien fait, je trouve ça très bien joué. Et je trouve ça très rassurant d'avoir des personnages en fait, et des comédiens qui n'étaient pas au préalable extrêmement connus. Ouais. Tenir voilà, comme le... nous, quoi. Le haut de l'affiche. C'est qui voilà. Depardieu, De Niro. Tenir le haut de l'affiche et voir une série financée par voilà, des têtes d'inconnus, déjà, ça me fait plaisir. Les réals sont des rostas, parce que c'est quand même lancé voilà. par non, mais, les sœurs Wachowski. Mais je trouve ça génial que même des réals rostas choisissent de porter toute leur série autour de personnes qui n'ont pas de... Oui. Tu vois, qui ont fait un peu de théâtre, machin, etc. Mais qu'on c'est la force de Netflix aussi, où t'as oui. pas forcément des... Parce que Daredevil, il n'y a pas de grandes stars. Là, non, du coup, il y a le Romney, ouais, cher, non, mais effectivement, c'est comme un Netflix, et surtout, ça me fait dire que ça va peut-être être possible en France ouais, un jour. Bien sûr. J'ai vraiment hâte qu'on n'ait pas le truc de, on peut pas monter ce film ou cette série s'il n'y a pas de personnages, de personnes connues. Donc voilà, et j'ai enchaîné Sense8 et Love. Oui. J'ai pas vu, mais j'ai entendu du. Du bon et du moins du bon. Du moins bon. Moi, j'ai... Par moi, un mec j'ai des Belges québécois. Des Belges québécois dans un autre podcast. T'as aimé, toi, Flaubert? Moi, j'ai adoré, j'ai mais kiffé. Je suis pas du tout objectif sur Apatow, parce que ah, j'ai d'accord. vraiment kiffé tout, je crois, à peu près. Moi, j'ai kiffé. Même Trainwreck, que les gens détestent, j'ai vraiment beaucoup aimé. D'accord. Et non, Love, moi, j'ai accroché. Ça raconte des trucs que je kiffe. Ça, je trouve ça mignon, je trouve ça joue bien. Il y a la nana Gillian, oh, j'ai oublié son prénom. Gillian Jacobs. Jacobs, qui jouait dans Community, qui est très très forte. Moi j'aime bien Paul Rust. Rust. Ouais. J'allais dire Paul Rudd, non, Paul Rust. Je l'aime bien, je sais que plein de gens l'aiment pas trop. Nos comparses Anthony Mirelli de Community News Weekly, je sais qu'ils détestent. Moi je sais pas, je l'aime bien. Effectivement, le personnage n'est pas toujours attachant. Mais, je le trouve pas très attachant, voilà. Non, mais après, je sais pas. Moi j'ai accroché, ça prend. Et voilà, non, moi j'ai bien accroché. Ça se consomme comme ça de temps en temps. Comme une petite chips. Comme une petite chips. Mais voilà. En plus, voilà. Pour ce que tu dis, qui a un goût de pomme de terre. Une chips à la pomme de terre. Adrien a détesté. Adrien a détesté. Pas détesté, mais j'ai pas vraiment accroché. Aimé, d'accord. Mais c'est normal. Mais c'est marrant que tu dises qu'en France, ce serait normal. Cool qu'on ait ça. Peut-être pire. Bah, ouais. C'est quoi qu'on ait un format 30 minutes? Non, non, par rapport aux comédiens monte, peu connus, ouais, ça me pose vraiment sur... un peu quand même. Voilà ce que j'allais dire. J'ai l'impression que sur OCS ça commence. Oui, quand OCS, tu mates oui, des oui, séries oui, où oui. t'as des Alban Lenoir, des Jonathan Cohen, ouais, tout ouais. ça, c'est des gens qui commencent à émerger, mine de oui, rien. Mais c'est des gens qui ont quand même une communauté sur le web ou qu'on fait. Bah, tu pas vois tant. La série, comment elle s'appelle, avec les cowboys, produite par Erwan Templeton, les héros, c'était des gens que je connais pas du tout. Les frères Chardonnel, je crois, c'est ça leur nom. Je ne sais pas. C'est les meilleurs c'est les noms. Créateurs, hein. Non oui, mais personne ne sait qui ils sont, ouais, tu vois. Ouais. Et cette série s'est quand même montée sur ouais. leur blase. Donc, ça, je trouve ça cool, quoi. Mais je parlais aussi pas mal des films. Parce que, oui, des films, les films, ça, c'est toujours très compliqué de financer un film où il n'y a pas de grandes stars dedans, c'est toujours un peu compliqué. Mais bon, maintenant, de toute façon, ouais. on fait des films sur Internet, donc on n'en a plus rien à foutre. Tout à fait. Des très bons films. J'allais être vulgaire. Voilà. Adrien. Est-ce que tu as vu, lu, écouté quelque chose de sympa cette semaine? J'ai réfréné un rot dans cette phrase, je ne sais pas si ça s'est entendu. Tu as détesté quelque chose? Non, justement, mais on aime les choses autour de cette table. Vous aimez de la merde, ne me forcez pas à avoir les mêmes goûts. Hein. Une série où il y a un PNQ qui est absolument imbitable et toutes les plus belles femmes veulent coucher avec lui, c'est tout vrai. À fait normal. Sachant que la série est écrite par ce mec, donc il vit complètement un fantasme du genre je suis vraiment un vieux blaireau, mais je vais faire en sorte que toutes les meufs veulent coucher avec moi. Et où les personnages féminins n'existe que pour ça et le personnage principal féminin est vraiment est passé pour une folle enfin voilà c'est cool mais si vous haïssez les femmes c'est votre problème alors Éric Zemmour j'ai... à toi oh, qu'est-ce que t'as l'inverse non j'ai vu la saison 2 de Daredevil moi j'ai regardé j'ai binge watch alors j'ai regardé la saison 2 de Daredevil j'ai binge watcheté hein, watched man hein, le film Je l'ai regardé, voilà, mais laissez-moi parler. Je vous ai laissé faire l'éloge d'une série répugnante. Laissez-moi parler. Non, et ben, alors j'ai trouvé un peu moins bien que la 1. Mais on est quand même. Alors, parce que ça part vraiment dans des trucs, je ne vais pas spoiler bien sûr, mais où tu te dis, oh, bizarre. Mais il y a quand même. Bah, bon, tu l'as dit, donc je vais pouvoir le dire. Il y a le The Punisher qui est intégré dans la série, un personnage Marvel tout à fait sympathique, qui est joué par, je ne sais plus son nom, mais celui qui joue Shane dans The Walking Dead. Mmh. Ah oui, bien sûr. Le méchant. Et Franck Gastambide. Voilà, exactement. Et qui est, je trouve, vraiment beaucoup mieux que dans Walking Dead. Parce que Walking Dead, il est Dead, bon, dedans, hein, il est bon mais il joue la brute à la con. Qui faisait... enfin, il se touche la tête pendant toute la série. En parlant avec la voix cassée. Et tête sévère, les gars. Non, mais je dis que c'est pas, je dis pas qu'il est mauvais, je dis que le personnage n'a pas beaucoup de profondeur. De profondeur. C'est un peu la brute, machin. Et dans, justement, là, The Punisher, ils en ont fait quelque chose de vraiment cool, perso. Il montre une palette vraiment intéressante. Il y a, enfin, c'est vraiment ça, tout le truc avec le personnage de Punisher est vraiment cool. Autant du coup toute la partie Daredevil et ses acolytes est moins intéressante, ce qui est dommage parce que c'est les persos principaux. Et du coup Punisher vole un peu la vedette et tant mieux quoi. Mais c'est un super personnage, voilà. De Punisher, moi je suis un gros fan du comics de Punisher et il est vraiment j'étais toujours dégoûté parce qu'il y a eu deux adaptations ciné du Punisher qui étaient un peu nulles et une avec Travolta et une avec Jean-François Derek et... qui avait vraiment été un fiasco quoi. Et non mais voilà, j'ai hâte de voir, moi j'ai pas vu encore la saison 2 de Daredevil parce que j'ai pas fini la 1 parce que je suis chiant et dès qu'une série fait plus de 40 minutes l'épisode j'arrive pas à accrocher. Mais toi, oui, toi tu sors le tweet pendant au bout de 10 minutes tu sors le tweet parce que t'as pas, tu vois, tu décroches quoi. Mais c'est pas que ça, sur Twitter. Ah oui, c'est ça. Ah bah ça, c'est les millennials. Non, moi c'est faux, j'éteins tout quand c'est je les millennials. Arrête. Et en parlant de super-héros, moi je suis allé voir Batman V Superman parce qu'en fait ça fait 2S, ça fait versus Superman. J'ai donc ils ont dit que ça s'appelait V Superman et c'était pas très bien. Il paraît que c'est nul à chier, genre. Mais oui, j'ai entendu beaucoup de. Mais pour le coup, vu que tout le monde dit que c'était nul à chier, je m'attendais à ce que ce soit horrible et ça va en vrai. Après moi je suis pas objectif parce que je suis un gros fan de Batman. Et Ben Affleck est chambé en Batman. Ah, genre vraiment. Ben et d'ailleurs, bon acteur, il a apparemment écrit son film Batman. J'ai lu ça hier. Ouais, il a dit qu'il aimerait réaliser le spin-off sur Batman. Il en a écrit un du coup. Mm. Et voilà. Et comme tu vois, j'avais beaucoup aimé Argo. Il avait ramené. Déjà, il avait dit, moi, je veux bien faire Bruce Wayne ou Batman, mais vous prenez mon co-auteur d'Argo, parce que le film Batman vs Superman est co-écrit par, j'ai oublié son nom, mais le scénariste d'Argo, un des scénaristes d'Argo, et David Goyer, qui est en gros le scénariste historique de tous les films de super-héros. Il a écrit les 3 Blade, il a écrit les 2 Ghost Rider, donc plutôt des merdes. Hein. Oui, et il avait écrit. Mais il a contribué aussi à la trilogie Dark Knight de Nolan. Donc voilà, il a fait plein de choses, mais il n'est pas réputé pour être très bon. Souvent, voilà, malheureusement, les résultats sont rarement bons, donc du coup, on dit que c'est lui qui est nul. C'est peut-être le cas. Et non, mais ce film-là, j'ai bien aimé. En fait, il y a des grosses ficelles vraiment horribles. Et je peux pas trop spoiler parce que je crois que personne n'a vu c'est le film. C'est le bas de grappin. Mais pourquoi j'avais pire, donc. Je veux dire, pourquoi ils les ont pas effacés du coup en post-prod parce qu'on se doute qu'ils volent pas vraiment Superman. Ouais. Et moi j'ai dit c'est le bas de grappin, donc voilà. Vraiment sur des blagues, etc. On va faire une émission juste avec Adrien, on va bien se marrer. Je vous préviens. Je vous propose en commentaire de choisir votre blague préférée. C'est vrai. Celle d'Adrien, le bas de grappin, ou celle de Valentin. Est-ce qu'ils ont effacé les câbles en post-prod? Voilà, on pourra vous choisir. Les grosses ficelles. Donc oui, non, tu l'as pas vu toi, Batman vs Superman. Non. Donc, non et je vous voulais pas que je le spoil, j'imagine. Non. Voilà, non. Bah, c'est bien dommage parce qu'à vraiment... un moment ils se battent quand même. Ouais, mais justement, c'est la pire scène du monde. En fait, il y a un merde, ça avait l'air vraiment bien. En fait, il y a une résolution qui se fait sur un truc. Mais c'est le truc que t'as spoilé sur Twitter, en fait. Oui, mais tout le monde a dit que c'était le film, alors que moi j'ai rien dit. Les gens sont allés. Bah du coup, je savais pas, mais maintenant je le sais. Ah, mais moi j'ai pas lu. Parce que je ne vais pas jusqu'à lire les réponses à tes tweets, Flaubert. Non, mais parce que tu dis ça, je pensais que tu avais lu les trucs. Non, tu l'as gêné parce que t'es un geek. Super intelligent, mais voilà. Non, vraiment. Et en gros, en gros, Batman et Superman se détestent tout le long. Et là, je spoile pas parce que vous imaginez qu'ils deviennent potes à la fin. Je comprends pas. Et bah, bah si, c'est dans la bande annonce. Ah oui, mais je regarde jamais les bandes annonces des films. Et hein. Bah t'es chiant. Ça n'avance pas. Parce que je trouve que ça raconte trop sur le film. Et pour le coup, c'est très intéressant que tu dises ça, Adrien, parce que pour le coup, tu as complètement raison sur ce film. Ah bah voilà, on me chie dessus, puis après j'ai raison. Le troll. Non, mais en l'occurrence, voilà, tu as raison parce que l'abondance disait beaucoup de choses et elle gâche énormément de plaisir au film. Ah, bah je. Oh, le plaisir. Donc voilà. Et non, ben bah, voilà. Donc, ceux qui ont vu le film comprendront ce que je veux dire. Mais je ferai une review où je spoilerai comme un enculé tout seul avec Jocelyne Lepotier. Mais j'ai dormi. J'ai aucune idée si ce film est bon ou pas. C'est la meilleure sieste de ma vie. D'accord, parce qu'il dure 2h30 aussi. Ça faut arrêter. Faut arrêter les blockbusters de 2h30, on s'en fout. Et du coup, je suis partie avant et parce que j'ai dit, c'est con de se gâcher un film. Ah, tu t'es barré pendant Ouais, parce que je me suis réveillée. Je fais, mais limite, où est-ce que je suis? Qu'est-ce qui se passe? Ah, oui, c'est vrai, je suis là. Je vais bosser, dommage, je vais partir. Et je vais partir. Et aussi, truc très chiant, peut-être la meilleure sieste. Tu es peut-être atteinte de démence. Et aussi, truc très très chiant. La meilleure sieste de sa vie, mais sans doute la plus chère aussi, du coup. Non, parce que j'ai une carte illimitée. Ok. Et t'as tué là. Parce que moi j'ai payé 17 balles ma place. Parce que c'était au pâté Velper où tu réserves ton siège. Oh là là. Et tu m'étonnes que t'aies pas aimé. T'étais dégoûté. Bah, il a aimé. Il a dit non, j'ai dit que c'était pas mal moi. Mais et aussi. En 3D ça va parce qu'on m'a dit que même en 2D tu sortais avec un mal de crâne. Ouais, en fait l'étalo est vraiment un peu bourrine. C'est Zack Snyder en fait. Juste pour les gens qui ne sont pas du métier, l'étalonnage. Donc la couleur. On retouche les couleurs de l'image brute de la caméra pour que ce soit. Moins terne. Voilà, moins terne ou pour donner une intention artistique. Voilà, et là les intentions artistiques, si vous avez vu les films de Zack Snyder, à savoir 300 ou Watchmen, même Man of Steel, c'est des trucs très bourrins, très violents, et là aussi. Voilà. En 3D, moi ça m'a fait chier, mais c'est très très dur de trouver des séances en 2D. Non, mais voilà, en tout cas, film sympa, il faut pas hésiter, faut peut-être pas forcément aller le voir pour 17 balles. Ouais. Mais, alors, question qui. Pardon, je t'ai coupé. Bah non, mais vas-y. Alors, question, est-ce que du coup c'est un film, quitte à le voir, il vaut mieux le voir au cinéma? C'est un film à grand spectacle. Oui, je pense. Parce qu'il y a quand même du bon spectacle. Oui. Après, il se passe. Ah bah là, c'est terrible si tu regardes ça chez toi, t'as envie d'éteindre. Mais après, il a les mêmes défauts que Man of Steel, c'est-à-dire qu'il complique beaucoup l'intrigue par plein de trucs. Mais les mêmes défauts que les Batman de Nolan, je trouve, c'est qu'il complique l'intrigue par plein de trucs et en même temps, t'as des résolutions ultra simples. C'est-à-dire que soit tu fais un film très compliqué tout le long et t'assumes le truc. Et c'est déjà ce que je reproche à, par exemple, Batman. Dark Knight Returns, d'accord. Le troisième. Dark Knight Rises. Bien sûr. Vous l'avez vu tout le monde autour de la table. Voilà, et bah par exemple, celui avec Marion Cotillard. Et bah celui-là, t'as des trucs très compliqués de comment dire, de complot. C'est Christian Bale plutôt qu'il l'a vu. C'est Christian Bale, mais il y a Marion Cotillard. D'accord, rôle méchant. Et donc voilà, t'as. Et donc ouais non, t'as des trucs de complot dans le film et en même temps t'as des résolutions très bêtes où par exemple ils balancent tous les policiers dans les égouts et du coup t'as plus aucun policier dans Gotham. C'est hyper pratique. La fin qui est incompréhensible parce que bon, je spoil Dark Knight Rises donc coupé si je le voilà, mais en gros tu sais pas s'il est mort ou s'il est vivant ou si c'est un rêve ou s'il a échappé à une bombe, donc c'est voilà. Et donc c'est le problème vraiment de ces films. Mais la toupie apparemment, la toupie elle vibre un peu. Pardon, tu veux la refaire. Mais ça c'est quand même un truc dans les films quand on dit ah, il y a une explosion, mais on sait pas s'il est mort, il est vivant, quoi. Oui, jamais, il y a jamais c'est de. Clair. Oui, c'est tout, ça. Dans toutes les. Mais voilà, y a ça dans Daredevil. Mais t'as ça, mais t'as ça aussi dans le Batman vs Superman. T'as un personnage, tu sais pas, et après on dit ah bon, enfin voilà, infâme. Je déteste ça, et du coup ça m'a fait chier. On a dans pas retrouvé son corps, mais il y a aucune chance qu'il ait survécu. Ouais, j'ai l'impression qu'on part sur dénoncer. On s'énerve un peu, mais c'est un bon film. C'est un bon popcorn, un film popcorn. Un film sympa. À caisson de basse, moi j'appelle ça. Oui, c'est ça. C'est ça pour ça que j'ai payé 17 balles. C'était un son Atmos. Un ah comme oui, ça. Oh, c'était passé partout autour des Esgourdes. C'est passé partout tout autour de moi. Et sinon, dans les trucs que j'ai fait cette semaine, j'ai eu mes résultats du sida. D'accord. Je ne l'ai pas, voilà. Donc, je n'ai pas le sida. Une prochaine fois, boss. Voilà, j'espère que. Voilà. Merci beaucoup, Virginie. Quand même, merci à tous. On coupera peut-être. T'as fait le test pharmacie ou t'as fait le test. Non, mais on coupera pas parce que c'est intéressant. Je l'ai dit dans le dernier podcast, mais tu n'as pas dû l'écouter. Pardon, on coupera alors. Non, t'inquiète, mais je peux le répéter, c'est très rapide. Moi, je savais pas qu'en fait, tu pouvais aller dans un labo et donc je suis allé au truc de dépistage quand vraiment tu as fait une connerie la veille. Tu dis, oh. Enfin, pas la veille parce qu'il faut 2 semaines pour que le virus soit détecté. Mais. En gros, tu fais une connerie et 2 semaines après, tu vas dans ce genre de centre parce qu'en fait, ils ne demandent pas ton nom, ils ne demandent rien, ils te filent une petite carte que tu ramènes et ils te disent si tu l'as ou pas. Mais en fait, tu peux le faire aussi de manière payante dans un labo et tout. Et voilà. Et non, mais je veux dire, tu peux le faire en autotest en pharmacie, ça coûte 30 euros. Ouais, et mais ça, c'est trop récent pour que j'ai confiance. Tu peux le faire avec c'est un, comme tu peux le faire avec un pissenlit que tu mets sous ta gorge. Deux personnes vont comprendre cette blague, je pense. Mais j'aime aussi. T'aimes le beurre? T'aimes le beurre? Ah non, t'as le sida, pardon. Ah, ça faisait longtemps que j'avais pas. Ouais, mais en gros, mais par contre, voilà, sans être une émission à message qu'on fait, parce que vraiment, on en est loin. Mais protégez-vous et faites le test surtout. Parce que moi, sans vous raconter l'intégralité de ma life, j'ai fait le test parce que je voulais ne plus utiliser le préservatif avec ma copine. Ouais. Mais quand j'ai fait le test, j'avais une petite peur de l'avoir parce que je suis sorti avec une nana à l'époque avec qui on ne mettait plus la capote et qui m'avait trompé. Et que j'ai appris qu'elle m'avait trompé. Avec un singe qui avait mangé de la viande humaine. Donc le risque était assez élevé quand même. Avec un singe toxicomane. Voilà. Qui avait des rapports anneaux non protégés. Anneaux, hein. Oui. On l'appelait le seigneur d'ailleurs. Des anneaux. Jeu de mots, rapport au film. Alors, qui est un roman d'abord, bon, bien sûr. Rapport au film et au trou du cul. Au trou de balle, bien sûr. Ah, voilà. Oh non, mais voilà, comme quoi, en fait, il n'est pas. Parlant de trou de balle, Valentin, ça a rappelé. On a parlé de trou de balle. Valentin, ça lui a rappelé une anecdote. Vas-y, je t'en prie. Non, c'est mais en plus, c'est le Seigneur des Anneaux qui m'a fait penser à un truc. Ah. Quand t'as dit, vous avez vu des trucs dont vous voulez parler. Bah, d'où tu reviens, par hasard. Et voilà, j'ai envie de parler de trucs. Mais c'est. Bah, non, Allez, je finis sur le sida, oui, vite sûr, fait. En gros, donc Il est passé par moi. Ça t'a inspiré une chanson, donc t'as écrit sur un bout de jean retourné. Oui, et d'ailleurs, Renaud viendra vous l'interpréter en fin d'émission. il viendra chanter la petite chanson. Oui, pour finir sur le sida, donc oui, faites-vous dépister, ça ne coûte rien, oui. Et en plus la capote ça craque facilement aussi. Donc arrêtez de faire des cochonneries. Non, mettez évidemment. Ne faites pas l'amour, c'est quand même le meilleur moyen. Je suis désolé. Branlez-vous énormément. C'est vrai. Non mais effectivement, mettez des capotes, mais en fait faire un test c'est vraiment gratuit, ça ne coûte rien du tout, et c'est toujours cool de le faire, ça rassure beaucoup. Ou l'inverse, mais au moins vous le savez. Voilà. Valentin, tu es allé en Nouvelle-Zélande, c'est je crois. C'est ça. Alors... Mais je vais pas raconter tout mon voyage et dire ouais. Non, parce que c'est pas un vlog. C'est ça. Mais c'est juste quand on parlait du Seigneur des Anneaux. Parce que du coup, évidemment, qui dit Nouvelle-Zélande, qui dit le Seigneur des Anneaux pour les cinéphiles ou les geeks que nous sommes. Je vais prendre des accents. Hein. Voilà, je suis désolé. Et du coup, ils ont fait pour le Seigneur des Anneaux, ils avaient construit Hobbiton, qui est le village des Hobbits, oui. Qu'ils avaient détruit après le film, en se disant bon, ça ne sert plus à rien, on a fini de tourner. Parce qu'ils parlent tous comme ça là-bas, c'est très désagréable. Ouais, c'est l'accent de Nouvelle-Zélande. Et donc c'était dans une ferme qui appartient à un mec, et il y a plein de gens qui allaient voir le mec et qui disent ouais, est-ce qu'on peut aller visiter les décors. Donc il a fait bon, ok. Donne-moi une petite pièce, puis voilà. Et au bout d'un moment, il s'est dit oh, y a moyen de me faire du pognon là-dessus. Voilà. Ouais. Et quand Peter Jackson est revenu pour dire, on va, est-ce qu'on peut refaire le village des Hobbits, pour le film le Hobbit. Il a fait ok, mais est-ce qu'on le ferait pas en dur comme ça, en plus après parce qu'avant c'était du préfa quoi. Non mais parce que et comme ça on peut le faire visiter et voilà, tout le monde serait content, on se ferait un max de thunes, et puis les gens seraient contents, ils seraient assez cons pour payer $80 si c'était les Français par exemple. C'est $80. La visite dollars néo-zélandais, donc ça fait €30. Non, ça fait 60 euros à peu près. Et quand même. Et voilà. Et donc j'y étais avec Julien Josselin. On s'est dit bon, bah, on est dans le coin, on n'était pas très loin. On va quand même y aller. Et on avait peur d'être déçus parce qu'on nous a dit c'est quand même un peu touristique. Vous allez voir. Bon, on avait peur de tomber sur 3 cabanes en carton. Et en fait, avec des mecs déguisés en hobbits. Non, ça, ils couraient. 1m80 sur leurs genoux. Et non, voilà, je suis Frodo. On vend des anneaux si vous voulez pour en souvenir. Hein, vous le mettez autour du cou. Et en fait, je voulais en parler parce que vraiment, j'ai passé un super moment parce que c'était pas du tout ce à quoi on s'attendait. C'est magnifique. Ils ont vraiment tout refait. Et c'était la Batcave. Je sais plus, il y a une vingtaine de maisons, mais vraiment refaites. Donc, il n'y a pas l'intérieur sauf une où tu peux rentrer pour faire une photo. C'est vraiment, il y a des jardiniers qui travaillent en permanence. C'est des vrais légumes, ça vit vraiment. Des vrais hobbits, hein, je crois. Non, il n'y a pas des hobbits. Il y a beaucoup de monde, mais c'est très bien organisé. Donc, t'es jamais, tu te dis pas, d'accord. Ah là, putain, je suis avec plein de gens, je peux pas faire ce que je veux. On te laisse régulièrement, un quart d'heure en disant voilà, vous avez un quart d'heure pour faire le tour. Des selfies, par exemple. Voilà. Entre autres. Et ce qu'il y a, c'est que t'es vraiment coupé du monde, à part les touristes autour de toi, mais sinon, c'est vraiment au fin fond du trou du cul de la Nouvelle-Zélande. Donc, il n'y a pas un truc qui peut te rappeler la technologie, on à part tous les portables. Anneaux, du coup. C'est ça. Le trou du cul de la Nouvelle-Zélande. C'est vrai. Et c'était vraiment très bien. Et juste, on était comme des gamins. Alors, peut-être que ça nous a plu aussi. Il y avait le côté décor de cinéma qui est quand même impressionnant. Oui. Et tu te dis, putain, ils ont tourné là. Donc, en plus, ils te font genre, ah bah là, vous reconnaissez, c'est la scène où, donc, à chaque plan tourné, on te le rappelle bien. Et donc voilà, il y avait ça aussi, il y avait le côté ah, c'est un décor de film et c'est un décor de film gigantesque et vraiment magnifique. Mais c'était un très bon moment, donc effectivement, c'est un peu cher. Les souvenirs sont ridiculement moches. Mais est-ce qu'il y a 25 fins comme dans leur film ? Non. Non, ça va. Tu crois que t'es sorti et... en fait, ils font non, il y a encore une pièce en fait. Oh, non, non, putain. Mais c'est assez long, t'as le temps et à la fin, ils ont reconstruit toute la taverne. C'est vrai, ils ont construit toute la taverne. Oh, oui. Et là, pour le coup, elle existe. Tu peux commander, tu commandes une donc des. T'as des Martin bières, Freeman qui te sert. Qui est là et qui lève les sourcils comme ça en jouant. Ah oui, bah oui, ça c'est le principe. Et voilà. Et seconde petite anecdote, et après je termine sur la Nouvelle-Zélande. Pas de soucis, t'inquiète. Parce qu'il y a aussi les studios de. Il y a Weta Digital, les studios de d'effets spéciaux. Ouais. Et ça, pour le coup, la visite est tout aussi chère. Et vraiment, tu passes 20 minutes dans un hangar et tu vois 3-4 épées. Et ça, c'est un peu dommage. Ah ouais. Mais juste à côté, il y avait les studios de Peter Jackson où il tournait Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson. Ah. Donc, on est passé devant. Et le fait de me dire que j'étais à 500 mètres d'un tournage de film de Ghost in the Shell avec Scarlett Johansson, j'ai trouvé ça cool. Alors moi d'ailleurs un peu dans le même genre, j'ai mangé mais un. Tu sais qu'elle habite à Paris, on n'est pas si loin d'elle. C'est vrai, on est à 500 mètres d'ailleurs quand on est de chez moi. À Marx d'Ormois, elle habite. métro Marx d'Ormois. Non non mais elle habite. À côté d'un taxiphone. J'ai dit Scarlett Johansson, mais c'était plus le tournage que l'actrice. C'était le fait d'avoir quand même un tournage gigantesque qui était en train de se passer juste à côté. Et il y avait le fond vert et tout, on a vu les. T'avais les poils. On a vu les camtars. J'habitais à Saint-Denis moi avant de vivre ici à Paris. Et je me disais des fois ça un peu en me disant putain là il tourne Valériane et je mange un kebab actuellement à 2 km de Rihanna et Clive Owen. Et de gens de Daesh aussi. Et de gens de Daesh aussi. Déséquilibrer un peu l'enthousiasme. Vrai. Mais... C'est vrai que je vivais à deux rues de. Comment il s'appelle ? Jawad. Non, mais, Jawad. Quel rôle ils ont dans Valériane ? Les gens de Daesh. Mais j'ai pas lu la BD moi donc. Mais tu sais que les gens de Daesh, c'est marrant que tu parles de ça parce que dans les décors de Star Wars, il y a des gens de Daesh qui ont. Quoi ? Si, je te jure, j'ai lu un article dans Society. Finis cette phrase avant. Okay. C'est des gens de Daesh, sont des Jawas en fait. Jawad. Oh, oh oui. Oh, c'est ça, oui. C'était beau. Oh la vache, ça aurait été un très bon, très très bon mème. Bah si oui. Moi ça. J'adore les mèmes. Non, en fait, le désert de Tatooine, parce que le désert où ils ont tourné s'appelle Tatooine. Donc c'est là où il y a toute la maison de Luke Skywalker, la ferme de l'oncle Owen, a été mis en péril par Daesh. Alors je vous lis l'article en même temps. La ville de Ben Gardan est notamment en passe de devenir un important lieu de traversée des terroristes. Voilà. Donc, D'accord. Voilà. Donc c'est pas fait, mais c'est en risque. Et par exemple, et il paraît qu'ils vont le refaire en 3D. Enfin, c'est George Lucas qui a demandé que les... Il a remplacé tous les gens terroristes soient refaits. Tous les terroristes en Gungan. Oui, ils auront la voix de Jar Jar Binks depuis le début. Non, mais voilà. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça. Ça m'a fait penser à ça. Voilà. Bah voilà. Bah c'est un petit bout de trivia. De trivia. Comme ça. Daesh et le SIDA, c'est sympa. Et la pédophilie. On est bien. Et moi qui suis la pire personne de la Terre, apparemment. Bon, on reste dans le thème de l'ignominie, bien sûr. Merci, ignoméniel. Allez, je le dis, voilà. Ce sera le nom du podcast. Non. Si. Ok. Alors, on est. Je vous remercie en tout cas d'être venus tous ensemble autour de la table. Pour parler d'un sujet qui n'est pas du tout une idée de moi, parce que comme d'habitude, je ne sais absolument pas de quoi parler chaque semaine. Parce que ça y est, le podcast est hebdomadaire. Là, ça, vous avez vu, on a pris le pli. Oui. Alors, je dis ça, donc normalement, la semaine prochaine, j'y arriverai pas. Parce que c'est comme ça, où je le dis, ça ne marche plus. Mais voilà, là, ça fait quand même 3 semaines de suite qu'il y a le podcast. Donc voilà, on essaye d'être bien. Et en fait, des gens vont revenir. Justine était déjà venue, par exemple. Et oui, voilà, avant, j'essayais que ce soit des invités nouveaux par émission. Et en fait, tu n'as pas tant d'amis que ça. Moi, je vais... Oui, donc je ne savais pas de quoi parler. Et Virginie, tu as proposé cette idée de thème intéressante qui est, je t'en prie. Bah, c'est ton idée, tu le dis plus. Non, non, si, je m'en souviens. Attends, je ne sais pas comment le formuler. Je me disais tout ce qu'on s'imaginait quand on était petit, quel allait être notre futur et notre vie d'adulte. Ce qu'on voulait être quand on était petit. Ah, oui, parce qu'on avait quand même fait. On va continuer à déprimer. Petite parce parenthèse, moi, la semaine dernière, Flaubert m'a envoyé un texto en disant putain, je trouve pas de thème. Je lui en ai proposé un, il a dit non. C'était quoi le thème ? Moi, il a adoré. C'était les métiers, les galères de métiers, les trucs professionnels. Oui, mais ça n'allait pas avec les invités. C'est pour ça aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'ils étaient tous au chômage. Qu'est-ce que t'en sais ? Moi, il a trouvé ça génial tout de suite. Oui, j'ai adoré cette idée de thème. Et surtout, tu passes après deux émission sur la chiasse, grosso modo, parce que vraiment on a parlé que de gens qui chiassent. C'est cool parce que j'avais une belle anecdote de coloscopie à raconter. Mais tu nous la raconteras en bonus peut-être. En Nouvelle-Zélande. Moi j'ai une très bonne. Ouais, c'est aussi dit, ouais. Mais de toute façon, les anecdotes de caca, ça parle à tout le monde de toute façon. Mais ce ne sera pas le sujet de cette émission. Oui. Puisque, comme tu l'as dit, l'avenir, comme on l'imaginait quand on était enfant, je te propose d'ouvrir le bal, Virginie, parce que t'as proposé le thème, donc t'as su. Attends, jusqu'à la fin. Qui a été accepté immédiatement et du coup c'est génial. C'est vrai. Vas-y, fais-nous rêver. Et tu vas me poser des questions ou genre tu veux que non, non, non, on va peut-être un petit peu comment dire découper, non mais découper un peu en thèmes. D'accord. En commençant par peut-être la case socio-professionnelle. Est-ce que ton métier, tu vas voir. Est-ce que tu rêvais, parce que voilà les enfants, on a des rêves dingues. Bah oui. Et toi, tu rêvais de faire quoi quand tu étais petite et y as-tu plus ou moins parvenu? Alors, c'était un Hulon, c'était pour ça. Nicolas Hulon. J'ai adoré. À 9 ans. À 9 ans, je voulais être opéreuse pour enfants morts. Ça n'existe pas. Voilà, il y a ça et les pompiers, c'est tous les gamins. Hein. Je t'aime si fort. Mais oui, ce métier n'existe que très peu, Virginie, tu le sais. Opéreuse pour enfants morts, parce qu'en fait, j'avais vu un téléfilm d'M6. Affreux sur un enfant qui avait le sémi, en fait. Bon, c'était... Bah, c'était adapté du spectacle qu'a vu Justine la semaine dernière. Et donc, j'ai découvert par cette occasion que les enfants pouvaient mourir et j'étais vraiment dévastée, mais un truc de ouf. Et je me suis tournée vers tu ma voulais mère. Tu voulais sauver les enfants morts, en fait. Voilà, je voulais ressusciter. Être Et donc, ma mère, ça l'a inquiétée. Elle a voulu m'envoyer chez le psy parce que j'étais assez glauque. Je suis restée très longtemps sur cette idée que j'allais opérer les enfants morts. Pour tu as disséqué des enfants morts. C'est peut-être ça qui l'a un peu paniqué. T'as comme les chats, t'as, sur le paillasson. Non, mais j'étais une enfant très sombre. Donc, d'accord. Voilà. Tu étais l'enfant de Tim Burton, un peu, j'ai l'impression. Parce que franchement, opéreuse d'enfants morts, on dirait un film de Tim Burton. Mais non, mais c'est, ça part... c'est marrant, moi, là, j'ai eu conscience que les gens mouraient, pas comme toi, pas devant un téléfilm, devant Hook. Quand le... Alors, je spoil Hook, peut-être qu'on va pas m'en vouloir pour spoiler Hook. Mais c'est génial. Quand, Hook. J'ai oublié son nom, donc je vais utiliser un Robin stéréotype. Williams. Qui est mort d'ailleurs. Non, le nouveau chef des enfants perdus dans Hook. Ah, c'est Rufio. Voilà. Rufio. Et bah, tu sais, il meurt lui à un moment. Ouais. Et bah, je me suis dit. Quoi? Je me suis dit, merde, les enfants meurent, t'aurais pu le sauver peut-être. Oh, c'est un ado. Ouais, mais bon. Il a quand même bien vécu. Il a bouffé de la bouffe imaginaire tranquillos sur son île. Quand tu voulais opérer les enfants morts, c'était pour leur redonner la vie, pas pour pécho un cœur et le filer à quelqu'un d'autre. Non, j'étais vraiment en mode. On pourrait faire ça. Frankenstein. Enfin, j'étais vraiment en mode il faut faire quelque chose de ses enfants. Parce qu'ils peuvent pas mourir. Mais ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup perturbé. Comment fait une mère après pour expliquer à son enfant? Alors, non, car on les met sous terre ou dans un vase. En fait, ma mère, elle était. Parce qu'elle pensait que ça allait passer. Et ma mère, elle était un peu. Parce que j'arrêtais. C'est que j'arrêtais pas d'arrêter les gens en disant vous savez que les enfants peuvent mourir. J'étais vraiment mais choquée. Je regardais les gens dans ma classe et je me disais ok. Ils donc en fait mourir. On n'est pas protégés. Je croyais que c'était un truc d'adulte, tu vois, un truc qui se chopait quand on était, parce que j'avais eu des décès autour de moi. Ouais. Mais pas les enfants. Les enfants, ça meurt pas. Ah, et vraiment j'étais mais vraiment bouleversée. Putain. Et depuis, j'aime vraiment les... Enfin, disséquer les enfants. Non. T'en as dit trop. Non, mais vraiment, c'est bizarre. Tu vois, justement, les nouvelles de Tim Burton, où il y a une autre, un recueil sur les enfants morts, etc. Ça, du coup, ça me ça parle te touche, un peu. Ouais, ça me... touche un peu. Ouais. Donc maintenant, tu as simplement une passion pour les enfants morts, ce qui est beaucoup plus simple, finalement. J'ai hâte que ton enfant écoute cette émission. Il va adorer. Il va faire, nickel. Pour l'instant, il a que 3 ans, mais il l'écoutera pas. Un âge où il peut mourir. C'est l'horreur. Mais j'en ai plus conscience que n'importe qui, en fait. Mais c'est vrai. Est-ce que t'as envie de... Je le vois, la détresse dans ses yeux de merde. Non, mais vous inquiétez pas, je le sais. Je le sais. J'ai peut-être pleuré, mais non, pas du tout. Car regarde, je n'ai aucun muscle. Je soulève mon t-shirt. Et voilà. Ça marche sur tout le monde. Oh merde, c'est vraiment drôle. C'est... Justine, est-ce que tu rêvais de disséquer mon des trucs père toi est mort, aussi par contre. Ouais, ça c'est vrai. Qu'est-ce que je rêvais d'être quand j'étais en petite... travail. Parce que c'est vrai que comédienne, métier. On a l'impression que les petites filles et les petits garçons pourraient rêver d'être acteurs plus tard. Moi, je crois que je rêvais de rien foutre en fait. J'ai toujours. T'es intermittente, c'est bon, t'as réussi. Allez, payez à rien foutre. Bienvenue dans Droitecast, le podcast de droite. Et du coup, j'avais pas d'ambition particulière. C'était génial. C'est non, mais c'est bien. J'avais c'est bien. Aucune. J'étais... Non, mais je me disais pas, ouais, je vais être pompier ou je vais être médecin ou je vais être maîtresse et tout. J'en avais rien à foutre, ouais, je crois. Mais je crois enfin, aussi, moi. Quand tu m'as posé la question, vous rêviez de. Non, mais que j'allais dire. J'ai d'autres. C'est ce que j'ai d'autres. J'ai bah pas. Oui. J'ai pas de. C'est venu à l'adolescence les choix. Qu'est-ce que je vais faire quand je serai plus grande et tout. Tu veux quand dire j'étais petite. Tu as été aidée par une conseillère d'orientation, par exemple. pas du tout. Les fiches onicettes. Non, je dis d'avoir des rêves sur ton avenir professionnel, amoureux, etc. Ah. C'est venu à l'adolescence. Ah, mais, non, mais alors j'ai dit enfant, mais ça peut être adolescent aussi. Ouais. Enfin, moi, c'est venu à 18 ans, quoi, tu vois. C'est très tard. Non, ça marche pas. Ça marche pas, c'est adulte. C'est trop tard. Bah oui. Bah ouais. Mais alors, non, mais parlons-en quand même. Quand tu as eu 18 ans, oui. Est-ce que du coup, tu t'es battu pour aller dans le sens de tes rêves, oui. 18 ans, et est-ce que tu y es plus ou moins parvenu? Sinon, je serais pas là ce soir à faire un podcast. Bah voilà, mais c'est quand même intéressant. C'est que tu as dit ton premier rêve socio-professionnel, tu l'as atteint au final. Oui, il y a des jours où je me dis non. Mais ouais, oui, oh, oui. Elle tourne avec la balasque. Mais, oui, c'est vrai. Non, mais bien sûr, oui, j'ai beaucoup de chance. Ça, mais du coup, tu te déguisais tout le temps en quoi quand tu étais petite? Rien. Ah ouais, vraiment en glandeuse. Ouais, non, j'étais en peignoir. En peignoir avec une bière. C'est vrai. Non, mais ma mère devait me faire. Si j'ai retrouvé des photos, je suis des. Mais c'est pas un choix, quoi. Ouais, c'est pas des choix. Ah ouais, tu faisais. Parce que des fois, on dit. Les comédiens qui inventent leur passé, ils font genre. Oh, quand j'étais petit, putain, bah, je me déguisais, je m'inventais des histoires. Toi, pas du tout. Très loin. Très loin. Bah, peut-être, mais je m'en souviens pas alors. D'accord. D'accord. Tu es honnête et j'aime ça. La vie de merde. Bah non, j'en avais rien à foutre. Mais non, mais tu cherches pas à rentrer dans le moule de l'artiste, oui, genre vrai. Machin. Mais tant mieux, tant mieux. Mais en plus, d'autant, encore une fois, je le répète, c'était quand tu as eu cette espèce d'objectif de vie, de rêve, tu l'as atteint. Donc c'est ça en fait qui est intéressant. Oui, voilà. C'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien. C'est merci. Bravo. Valentin, oui, quand tu étais enfant ou adolescent, parce que nous fermons pas les trucs. Voilà. Est-ce que tu voulais être potier? Eh bah, t'en as un en face de toi. Non, c'est vrai. Alors, il faut expliquer pour nos auditeurs que Justine Le Potier est en face de Valentin. Sinon, vous ne pouvez pas comprendre ce gag. Mais pas forcément. Moi, Non, mais c'est vrai. J'ai vu, en fait, je dis ça parce que j'ai voulu de ça quand j'étais petit à un moment. Et t'as bandé dur. Et ça m'est très vite passé. Mais bandeur. Ça m'a fait rire de m'en rappeler. Quand j'étais en CP, j'ai voulu voir de la poterie. J'ai trouvé ça cool et j'ai dit je voulais être potier. Et du coup, on m'avait acheté. Vraiment, j'ai l'impression que tu parles de moi. Tu sais, c'est très flatteur. Je voulais être potier. Oui, bien sûr, c'est de ça dont je parle. Je voulais être Justine Le Potier. Donc, tu demandais comment on se déguisait. Je foutais des perruques rousses. Mais non, donc je voulais être. Et donc, on m'avait acheté un truc pour faire de la poterie pour les enfants. La tristesse. Ouais. Le petit potier. Et on demandait. Il fallait mettre de l'eau sur la terre glace, sinon c'était trop dur. Bah oui. Donc, j'ai foutu de l'eau. Ça a noyé l'engin. Oh, il n'a plus jamais marché. Oh, non. J'ai décrété que c'était de la merde. De toute façon, moi je voulais faire des bols. C'était impossible de faire des putains de bols. C'était jamais droit, c'était jamais comme il faut. Ça m'a gonflé très vite et après mais du coup tu disais ah oui les mecs qui se sont inventés et tout. Non et après très vite je savais que je voulais travailler dans le cinéma. Ouais. Je savais pas par où aller. J'ai voulu être marionnettiste au moment où les effets spéciaux sont arrivés. Je dis oh putain, j'ai vu Jurassic Park, je fais OK, les animatroniques c'est l'avenir ça. Ouais, très vite on m'a dit non vraiment. Pour les mêmes raisons, ils ont dit on a vu Jurassic Park, les effets spéciaux c'est l'avenir. Et on me dit il fallait foutre de l'eau, j'ai foutu. ça a grillé le machin. Non et ouais, je voulais être marionnettiste et après et vraiment je sais pas, je peux pas dire à quel âge mais j'ai été fasciné par le cinéma et je savais pas ce que je voulais faire dedans. Je savais juste que je voulais être dans cet univers qui raconte des histoires justement. Et donc, j'ai commencé le théâtre en me disant, bah, peut-être en étant comédien. Puis après, je fais, ah non, en fait, je veux écrire des histoires, je veux faire du montage. Je suis très content parce qu'en fait, je fais un peu de tout maintenant. Et c'est une chance inouïe parce que c'était vraiment, si j'ai la chance d'un peu toucher à tout, peut-être tout très mal du coup, mais au moins c'est parce que c'était ce que je savais pas par où aller et tout m'intéressait. Bah, rappelons d'ailleurs que Greg Romano est une marionnette dans l'Assemblée intergalactique, que tu actionnes toi-même. C'est pas l'acteur, c'est vrai. C'est un animatronique. C'est un animatronique dès le début. Non, mais voilà, c'est... donc c'est pas très drôle. Du non, coup. Non, mais c'est pas. Mais on n'est pas là. Je suis pour la galéjane, moi. Donc, ouais, Jurassic Park, c'est marionnettiste par rapport à Jurassic Park que tu voulais. Je crois, ouais. En fait, j'ai des films qui m'ont marqué. J'ai vu. Mais comment tu savais, c'est tes parents qui t'ont dit ou tu voyais des bonus? Non, j'ai deux grands frères. Et d'accord. Du coup, en fait, les films que j'ai vus petits, c'est les films de la génération de mes grands frères, et qui étaient plus pour leur âge, mais du coup, j'ai vu, en gros, les Retours vers le futur, Jurassic Park et Star Wars, quoi. Et je me... ouais, c'était, j'ai vu le retour du Jedi. Le premier Star Wars que j'ai dû voir, c'était le retour du Jedi, il me semble. Bah, c'est complètement con. Ouais, mais je comprenais rien de ce qui se passait. Non, mais j'étais jeune, je comprenais absolument rien au film. Mais c'était différent. Et c'est ça que. Et l'histoire sans fin aussi. Ah, les créatures. Voilà. Ouais. Tout à l'heure, je croyais qu'il parlait de marionnettiste, la première fois que tu l'as dit, j'ai vraiment ventriloque. Jim Henson, ouais, qui parlait de Panacloc. Ah non, Panacloc. Non, je croyais que j'aimais c'était beaucoup ta... les marionnettes, même les marionnettes. Les marionnettes. On parlait des fils. Non, mais ça, j'aimais bien. Et j'en cherche encore. Et ça te faisait pas peur. Et j'en trouve. Alors si, j'ai un mauvais souvenir de la série Thunderbirds. Non, de m'être fait engueuler par une vieille dame dans un magasin. Je sais pas pourquoi je raconte ça, mais je me souviens avoir voulu acheter une marionnette. Il y avait un magasin de marionnettes à fil. Ah oui. Et j'en ai touché une. Mais elle était possédée. Non, fallait pas. Et je me souviens juste m'être fait engueuler. Il y avait l'âme d'un enfant mort. Engueuler par la vieille dame qui. Pas touché. Et ça m'a traumatisé. Et je crois que pareil, à partir de là, je fais ok, j'arrête ça. Mais rassure-toi, elle est sûrement morte aujourd'hui. Et voilà. Oui. Et ses enfants peut-être aussi. Ou peut-être ils écoutent ce podcast et on les embrasse. Non, mais comme quoi on peut être traumatisé petit par des trucs tout cons. Parce que vraiment après ça, je fais non, j'en veux plus de marionnettes, c'est horrible, je me fais engueuler et tout. En même temps, elle t'a quand même rendu service parce que c'était pas vraiment un rêve tenace et tu t'en es débarrassé rapidement et t'es passé à autre chose. C'est drôle quand la vie te donne des petits clins d'œil de c'est pas une bonne idée, fais pas ça. Parce que moi, c'est marrant, j'avais fait, quand j'avais 12-13 ans, avec le caméscope de mes parents, j'avais fait des sketchs avec des amis. Moi aussi, c'est et c'était nul à chier. Hein. Mais le fait est que j'étais le seul, mes parents m'avaient dit, si tu veux, mais tu prêtes pas la caméra. Quoi. Donc en fait, c'était nul à chier, parce que je pouvais pas jouer avec eux. Et du coup, je vais pas faire justement le gars qui dit, oh, depuis tout petit, je faisais des sketchs. Mais ça a peut-être joué, parce que du coup, je jouais pas la comédie avec eux, mais j'étais derrière la caméra et je filmais, en fait. Ah, donc tu fais exactement le truc que tu disais tout à l'heure, finalement. Oui, non, non, parce que c'est pas ça qui m'a poussé à faire telle chose ou telle chose. Je sais pas s'il y a des gens, des psys ou des gens qui diraient, ah, c'est peut-être lié à ça ou je ne sais quoi. Mais du coup, ouais, c'est assez marrant. Le hasard est marrant, en tout cas. Oui. Le hasard voilà, du truc est rigolo. Encore une belle histoire que tu racontes, Flaubert, comme tu le fais tout le temps. Faux, parce que souvent, c'est moi qui me chie dessus, hein, quand même, dans cette émission. C'est pas des je belles histoires. Tu parles dans ton métier. Tu c'est gentil. Histoires. C'est vrai. Adrien, est-ce que toi, tu avais. Alors, quand tu étais petit, il y a eu plusieurs choses que j'ai eu envie de faire. Alors, il y a eu. J'ai voulu être archéologue à cause d'Indiana Jones. Pas à cause de Ross Geller. Ben non, parce que je suis quand même, voilà, je suis vieux. Moi, j'étais enfant, ça n'existait pas, Friends, pauvre. Pardon. Et non, Indiana Jones, voilà, j'ai vu ça, j'ai fait, waouh, ça doit être génial d'être archéologue. Ah ouais. Bon, après, tu découvres qu'archéologue, c'est quand même surtout de la merde. Enfin, ouais, de la merde, c'est génial, mais il faut vraiment très peu d'aventures avec des fouets et des petits Chinois qui conduisent des voitures. Avec des... Donc, j'ai dit, bon, bah, du coup, pas ça. Je me suis dit, ok. Bon, je me suis dit, je vais être le premier Français à jouer en NBA. Voilà, le basket, c'est ce que j'avais dit. Je me suis dit, voilà, ce sera moi. Il y avait zéro à l'époque. Maintenant, voilà, il y a les Tipeee, les Tony Parker. Hein, ouais, voilà. Mais à l'époque, il n'y avait pas de Français en NBA. Je me suis dit, bah, pourquoi pas moi ? Après, je me suis dit rapidement, parce que je suis vraiment mauvais. Je suis vraiment pas assez bon du tout. Je suis déjà même beaucoup trop vieux pour avoir cette ambition. Donc, j'ai abandonné. Ça, c'est un peu plus honteux. Mais il y a eu une période où je me suis dit, pourquoi pas ninja ? Pourquoi ? Exactement. Parce que j'étais fan des Tortues Ninja quand j'étais gamin. Mais c'est pas que c'est honteux, c'est trop mignon. Oui, non, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, c'est juste. C'est honteux. Voilà, je me suis vraiment renseigné pour le bac option ninja. On a insisté pour me dire que ça n'existait pas. La conseillère d'orientation était très mal à l'aise. J'ai été renvoyé de l'établissement. Non, non, mais en fait, la raison, c'est que voilà, j'étais fan vraiment des Tortues Ninja. Je suis allé voir le film. Tortue Ninja, oh, génial. Et j'étais avec mon ami Florent. Bon, oh, pas mal. Go Ninjago. Des bons animatroniques. Go Ninjago, c'est dans le 2. Le 2, pardon, excuse-moi. J'étais avec mon ami Florian, qui est toujours mon ami aujourd'hui. Salut, Florian. Et bon, qui était, voilà, comme parfois les enfants, un peu mytho. Et il m'avait dit, moi, mon oncle est ninja. Et j'avais dit, putain, génial. Il m'avait dit, bah écoute, il a fait une formation, il est ninja, quoi. Et c'est du coup, génial. J'ai dit, génial, je peux être ninja, du coup. Ouais. Ça y est, je vais être comme mes idoles, je vais être ninja. Très rapidement, voilà, pareil, une formation de ninja, ça n'existe pas, tu m'as menti, je suis ridiculisé. Et après, il y a eu le truc que je dis souvent, mais c'est vrai que quand moi j'avais, je sais pas, 11 ans, je regardais Les Nuls l'émission, mon frère regardait Les Nuls l'émission et je le regardais avec lui. Et c'est vrai que. C'était pas un truc qui était formulé, verbalisé, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une partie de moi enfant qui disait être Alain Chabat, ça doit être cool. Ouais. Et il y a vraiment, en tout cas, au moins une grosse influence sur le côté j'aime bien faire des blagues, d'avoir vu ce gars que je trouvais tellement tellement drôle et voilà. Et du coup, il y avait un peu le côté. Mais vraiment, juste, j'aimerais être ce gars, quoi. Pas genre faire son métier, en fait. Ouais. Juste, j'aimerais bien être Alain Chabat, quoi. Donc, il y avait ça. Et après. Pas de formation non plus, du coup, pour être. Non, vraiment. Il y avait un CAP Chabat. Option, ouais. Option Chabat. Parce que l'oncle d'un pote. Non, non. Et en fait, le truc, c'est que je pense que c'est une idée qui était dans le creux, à l'arrière de ma tête pendant très longtemps, le côté être humoriste, jouer la comédie, écrire des blagues et tout. Mais je pense qu'il y avait une partie de moi, sans doute due à un manque de confiance ou un truc comme ça, qui me disait toujours, c'est impossible, c'est bon pour les autres en fait. Oui, quoi. Bien sûr. Et du coup, c'est pour ça que je dis, j'ai jamais dit, je veux faire ça. Parce qu'il y avait vraiment un truc dans ma tête qui me disait immédiatement, c'est impossible. Oui, ouais. C'est cool, mais c'est comme astronaute. Et du coup, je ne suis pas Alain Chabat, mais du coup, je fais un peu le même métier. Mais parce que on me l'a proposé sans que je demande rien, c'est jamais un rêve que j'ai poursuivi, quoi. Et du coup, j'ai une question, parce que t'étais illustrateur, enfin, c'est pas si tu dessinateur, tu croques même, un petit peu encore. Qui, oui. Mais du coup, et ça t'est venu comment? Parce que c'était aussi. Parce qu'on dirait un rêve d'enfant aussi de faire dessiner. Oui, voilà, en fait, moi, je rêve vrai de savoir dessiner. Mais en fait, ouais. Oui, le truc, c'est que j'avais. En fait, j'ai toujours dessiné depuis que je suis gamin, etc. Et. Bon, j'ai fait ce truc parce que c'était à l'époque un truc que je faisais souvent. J'ai découvert les tablettes graphiques, etc. Et ça m'a ouvert vers un truc qui m'a vraiment passionné à une époque de ma vie, qui était le dessin sur ordinateur, parce que, bon, pour plein de raisons. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais essayer de faire ça parce que c'est le truc qui me plaît le plus en ce moment. Et voilà. Mais ça n'a jamais été un rêve pour moi de le faire. Et je l'ai. Une fois la passion retombée, j'ai continué à être illustrateur, mais c'était pas une passion de dingue. Et je le voyais en me. On sort un peu du sujet, mais bon. En me comparant à mes amis qui faisaient le même métier que moi, je voyais qu'il y avait une passion chez eux que moi, j'avais pas. Et que je le faisais. C'était mon métier que je trouvais vraiment. J'étais très chanceux de pouvoir faire ce métier-là, etc. Et je trouvais ça cool. Ouais. Et plutôt heureux de le faire. Ouais. Mais c'était pas mon rêve de gosse. Ouais. C'était pas ma passion. C'était un truc. Cool que je savais faire et qui me permettait de gagner ma vie en faisant un truc quand même cool, mais c'était pas ma passion, quoi. Et je pense dire que le métier que je fais maintenant, c'était mon rêve de gosse, mais je m'étais jamais autorisé à le poursuivre, en fait. D'accord. Et c'est vraiment quand Vladimir m'a appelé, sorti un peu de nulle part, en disant est-ce que tu veux essayer d'être auteur, et je me suis dit bah oui, grave, ouais. Parce que vraiment jusqu'à ce moment-là, je m'étais jamais dit c'est possible pour moi, quoi. Donc tu pourras lui envoyer des petits chocolats. Ah bah écoute, oui. Mais c'est marrant d'ailleurs que tu dis ça, parce que moi je te rejoins un peu dans ce côté c'est pas possible, puisque moi j'avais ça aussi. Moi j'ai fait pour le coup c'était pas enfant, parce que j'ai quand même fait des études de cinéma, mais en fac, donc un truc qui normalement te donne, si tu ne bouges pas trop le cul derrière, t'as pas de débouché, parce que c'est juste une licence, quoi. Mais quand je l'ai faite, mon but, je l'ai déjà dit, je crois, mais c'est dans le podcast de Navo, là. Mais mon but, c'était de faire des films instit, en fait, des films institutionnels, oui, filmer des films d'entreprise, parce que je m'étais dit que je pourrais jamais avoir mieux que ça, en fait. Je pourrais jamais faire plus. Donc je m'étais dit, je fais des films institutionnels parce que je ferai du montage et je toucherai une caméra et ce sera déjà très cool. Et en fait, j'avais prévu de monter une boîte avec un pote où, avec l'argent des films institutionnels, on faisait des courts-métrages de notre côté. Qui t'attend toujours, d'ailleurs, ce pote. Mon pote, qui est dans l'hangar. Il fait maintenant d'excellents films institutionnels. Et mon pote qui est Quentin Tarantino, donc quand même il a eu une chouette carrière aussi. Non, mais du coup, mon pote ne le sait même pas, en fait, parce que je lui avais pas proposé encore. L'avenir en a décidé autrement. Mais sur le moment, je m'étais dit, bah, bon plan, voilà, on fait ça, et comme ça, on pourra quand même faire des petites créations de notre côté. Voilà. Et pareil, le sort en a décidé autrement, non, et tant mieux, tant sort, mieux. Toi, oui, mais le sort a aidé. Le sort a aidé quand même pas mal, et c'est cool. Parce que moi, pour le coup, quand j'étais petit, je rêvais d'être après avoir fait ces sketchs je rêvais d'être réalisateur de cinéma, mais pas du tout de comédie. Plus des, je faisais marrer mes potes parce qu'il faut survivre, mais je voulais être vraiment ado. C'était surtout Quentin Tarantino, je pense, parce qu'en fait j'ai découvert son cinéma un peu avant 12 ans, à 10-11 ans, je pense. Et tu te dis, waouh, putain, c'est violent, ça dit des gros mots, c'est trop marrant. Et voilà, et du coup, je me suis beaucoup attaché. Genre, j'ai maté Pulp Fiction 200 fois. Mais donc, du coup, moi, je voulais être réalisateur. Peut-être un peu moins à l'époque. Et, non, mais du coup, je voulais vraiment être réalisateur. Mais je voulais vraiment être vers 13 ans, ouais, je voulais être une star d'Hollywood. Genre, d'accord, je voulais même pas. Et après, tu deviens adolescent. Donc, tu deviens triste de la vie. Enfin, en tout cas, voilà. Moi, c'était le cas. Et du coup, je me suis dit. Film d'entreprise, très voilà. très bien. Ça montre le peu d'estime qu'on avait pour nous-mêmes quand même. Quand on était ados. Parce que moi, c'était genre, c'est impossible. Et toi, t'as dit, c'est peut-être possible, mais vraiment la version nulle à chier de mon rêve, quoi. On a tous fait un stage de troisième ici. Ouais. Autour de la table, on a tous fait un stage. Donc ça n'existait pas à mon époque. Bah c'est marrant, ça va, pardon, ça m'a surpris. Mais j'ai rien dit. J'ai jamais dit. T'as dit le mot époque, ça m'a fait rire. Ça existait pas. Bah, j'ai jamais fait de stage en troisième, rien du tout quoi. T'as séché, ouais. C'était vraiment pas mon genre. J'ai jamais séché une heure de ma scolarité. Hein. Une fois. Moi non plus. T'en as fait, Virginie, toi, un stage de troisième ? Ouais, bah je t'ai dit, dans une agence de voyage. Oui, je suis con, pardon. C'était juste. C'est ça qui a lancé. Pas la peine d'appuyer le fait. Pardon. Non, c'est pas grave. Mon cerveau a bugué. Justine, t'avais quoi toi ? J'ai fait un truc tellement pourri. J'étais à. C'est le principe un peu. Fais attention, ah ouais, du coup. Ouais, j'étais à Yves Rocher parce que je m'étais dit que j'allais avoir du maquillage gratos. Et du coup, en fait, c'est inintéressant. Je passais mes journées debout à regarder les gens rentrer et sortir. Rien. Et un jour, la fille m'a dit ça va être génial parce que tu vas avoir une épilation. Et c'était vraiment mais le. Stage de troisième, donc tu avais 14 ans, tu ne te fais pas épiler à 14 ans. Ah non, mais j'allais voir quelqu'un se faire épiler. Ah, mais le rêve de toute personne. Elle va assister à une épilation. Parce que je savais pas du tout ce que ça allait être. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et malheureusement, c'était la le trou de balle en plus. Voilà. Je ne sais pas, j'avais pas les détails, mais j'étais curieuse de voir comment ça allait se passer. Et en fait, voilà, la cliente est arrivée en avance. Et alors, c'est avec les dents ou pas ? Ben, j'ai rien vu. Mais attends, genre. Yves Rocher, on s'est épilé ? Non, mais genre, la cliente, on dit. Par contre, il y a une adolescente qui vous regardera. Ça vous dérange pas ? Mais si, mais ouais, mais. Attends, non. Attendez, moi, mon épistage, elle avait pas. Avec les enfants. Pas pré. Ils ont fait un périscope. Mais à l'hôpital, ça se passe comme ça. Moi, quand j'ai accouché, il y a genre 8 internes qui sont arrivés alors que j'avais les pieds dans l'étrier pour dire ça vous dérange pas ? Ils vont regarder. J'ai même pas eu le temps de dire oui qu'ils étaient déjà en train de voir si l'enfant était engagé, etc. Donc vous aimez cette histoire ? Moi c'est c'était très gênant et vraiment ils étaient déjà rentrés qu'on me demandait si c'était gênant ou pas qu'ils regardent. Donc j'étais autre chose à penser à ce moment-là. Ouais, moi j'étais en train de me mettre de la péridurale en toute seule. En messieurs, dames du milieu hospitalier, un peu de tact, s'il vous plaît. C'est clair, c'était délicat. Moi, en stage de 3ème, j'ai fait un truc un peu cool parce que j'ai fait projectionniste. Ah, je bossais dans un cinéma. Putain, mais Last Action Hero. C'était le seul cinéma de la ville à Autun. Le cinéma Arletty d'Autun. Pour, si jamais ils écoutent. Et j'ai aidé un gars qui s'appelait Jérémy. Et en gros, je faisais tout, parce que j'ai aussi vendu du popcorn, déchiré des tickets et tout. C'était un petit cinéma à réessai de 3 salles. J'aurais tellement kiffé. Et c'était drôle, parce qu'en fait, ils ont fait un truc un peu mignon. Ils m'ont fait puis maintenant, tu vas dans la salle et tu surveilles que le film se passe bien. Alors qu'en fait, c'était juste, tu peux mater des films, quoi. C'est trop cool. Et toi, tu t'es mis devant l'écran, derrière toi. Tu fais, ok, je regarde si. Non, je me suis bien assis et j'avais maté Brise de Nice à l'époque. C'était l'année de Brise de Nice quand j'ai fait mon stage de 3ème. Voilà. Oh, purée. Non, pardon, j'ai eu un cheveu blanc. Pas de soucis. J'ai fait mon stage de 3ème dans une compagnie de théâtre. C'est sympa aussi. C'était cool, c'était très cool. Et un jour, ils m'ont dit faut qu'on aille chercher des costumes. Et là, j'ai découvert qu'ils avaient une pièce en plus dans leur locaux. Enfin, c'est à l'étage. Je fais quoi ? Il y a un étage, c'est fou. Et un étage rempli de costumes. Et c'était dingue, c'était fou. Voilà. Voilà. Mais les stages de 3ème, on est d'accord, ne nous ont pas spécialement orientés vers le métier qu'on voulait faire. Non, c'était une semaine pour vraiment, faire un stage. Passer 3 jours ailleurs qu'à l'école. Quoi. C'est... Justine, toi, t'es pile des vieilles dames, mais c'est un hobby plus qu'un métier, quoi. Oui. Ça, le jeudi. Hein, tout à fait. Au métro Max Dormois, à côté de chez Sierra. Est-ce que t'as quand même eu du maquillage gratuit, parce que c'était ton objectif ? Dalle. Non, t'as volé ? C'est pas possible. Yves Rocher, si vous nous écoutez, un petit colis pour Justine Le Potier. C'était terrible. Terrible. Un colis gratuit, c'est un échantillon. Mal, quoi. Non, je, sais pas, mais je me souviens avoir été très déçu. Je m'étais dit, c'est ça le milieu professionnel. Qu'est-ce que c'est chiant. Et du coup, cette envie de rien branler, du coup, qui était venue à ce moment-là où tu t'es dit. Non, justement, l'inverse. Je pense que là, j'ai dû faire un déclic. Je me disais, putain, tu peux pas faut rester. Faire un rêve. Et voilà, tu peux pas rester des du coup, heures. Tu es allé dans un milieu avec des gens charmants qui est le show business, quoi. Tout le monde est vraiment très agréable. Mais tu honnête. Sais que c'est, ça me. fait penser un peu à ce que tu disais tout à l'heure. Une des premières choses qui m'a donné envie de faire ce métier, c'était de regarder les making-of ou les interviews à la télé. Mmh. Et quand les gens parlaient des ambiances qu'il y avait sur le tournage ou comment est-ce qu'ils se sont rencontrés, etc., c'était ouais, ça c'est ma cam. Peut-être même plus que les films que j'adorais aller au cinéma. Donc un peu comme quand t'es petit, tu veux être dans les films. Tu t'endors le soir en t'imaginant que tu vois, tu vis avec les personnages. Donc, tu ressuscites des enfants morts. Sinon. Tu ressuscites des enfants morts. Mais c'était sur. J'étais fan de making of. Je regardais tous les making of des films et c'est ça qui me motivait. C'est drôle parce que moi, quand j'étais, quand j'avais pareil 12 ans, il y avait un truc sur Canal Satellite qui existait, qui s'appelait Télé Festival de Cannes. Et en gros, ça parlait de quoi ? Alors c'était un truc sur un festoche de cinéma, plutôt dans le sud de la France. D'accord. En tout cas. Ouais. Et en gros, c'était évidemment une chaîne qui n'était diffusée que pendant le Festival de Cannes et où en fait tu voyais des sur Télé Festival de Cannes. Oui, bah du coup c'est logique. C'est plutôt logique. Le nom est bien trouvé. Ouais. Et en gros, tu avais tout. En fait, tu avais les conférences, tu avais la montée des marches et tout. Et j'étais là genre, oh, ça a l'air trop bien de présenter un film à Cannes. Je voulais juste en fait faire des films pour les présenter à Cannes. Exactement. Parce qu'il y avait un côté genre, putain, t'as ta meuf à ton bras. Mais on en reviendra, on en parlera tout à l'heure de comment on imaginait le futur amoureux. J'avais le rêve d'avoir une meuf déjà. Déjà, j'avais le rêve d'avoir une meuf à mon bras et monter les marches et présenter un film et que les gens ils kiffent de ouf et parler. Voilà. Et ça, j'aurais vraiment à l'époque. Et toi, mais toujours un peu. Et c'est ça qui est mignon aussi. Enfin, mignon, j'en sais rien. Mais j'ai toujours ce mini truc en moi. Mais je pense que toi, tu rêvais un peu d'être le gars où tout le monde est en costard, puis toi, t'arrives, puis t'as un costume un peu farfelu, quoi. T'as un sweat à capuche et tout le monde dit, oh là là, lui, c'est un peu le nouveau Kassovitz, quoi. Non, je suis en costard, mais j'ai une casquette à l'envers. Bah oui. C'est ce que j'ai fait dans les festivals de Cannes du web, puisque c'était les Web Comedy Awards. Voilà, donc tu vois, toujours la version nul à chier de ton rêve. Toujours la version nul à chier. Alors, toi aussi, du coup, t'avais ce truc de. Ouais, moi, c'était pareil. À chaque fois que je voyais le festival de Cannes ou autre, mais ça m'avait. Ça me marquait parce que j'avais envie d'être à leur place. Je disais, ça a l'air trop bien. Ouais, c'est ça. Et comme Justine, les making-of aussi, l'ambiance et le. Et secrètement, j'avais énormément d'ambition. Mais en même temps, je savais que c'était. Fallait pas le dire, c'était impossible. Mais je m'en fous, je le garde pour moi en rêve et je m'imagine vraiment. Et vraiment au-dessus des autres, ce qui est horrible de le dire, mais vraiment je m'imaginais, genre, ok, moi, à. Et c'était en fonction de l'âge, genre moi, je serais le premier acteur à 11 ans. Ah ouais, c'est ok. Quand même Michael Caine. Oui, c'est ça. Après, je fais ok, mais à 15 ans, j'aurais fait un film. Et t'arrives à 15 ans, t'as jamais rien fait. Et tu stresses pour le. Et c'était comme ça à chaque fois. Ouais. Et puis, jusqu'au jour, à un moment, je me suis dit, je m'en fous. Juste, déjà, c'est bien, je fais ce que j'aime. Oui. Voilà. Mais non, c'était. Ouais, comme toi, ça me faisait rêver. C'est ça. Mais moi, c'est même marrant parce que quand je mettais l'émission, donc télé, enfin la chaîne TV sur Again, je m'imaginais mon télémarche avec la meuf qui était dans ma classe, mais à 27 ans. Voilà. Ah là là. Ça se fera peu, hein, je pense. Ça, c'est mignon, ça. Tellement mignon. Oui. Non, mais oui, mais bien sûr, non, c'est triste parce que, surtout. Parce que maintenant que t'as dit ça, ce serait une belle histoire que tu la retrouves, la fille, et puis tu montes le marche avec elle. Elle est morte, enfant d'ailleurs. Je suis là au cas où. Hein. Non. Non, mais ouais, donc c'est un autre sujet qui est peut-être un peu intéressant, c'est quand on imaginait le futur amoureux, parce que quand tu es enfant, très peu, plan cul. Oui, c'est un truc que spécialement prévu. J'ai 5 ans, je voudrais des plans cul. Parce qu'il y avait, j'ai l'impression qu'on imaginait tous quand on était enfant, le grand avec la personne qu'on aimait bien à sûr, l'école, bien ou sûr. Pas, peut-être qu'il n'y a que moi. Non, oui, moi aussi. Moi, j'étais plus sur la star que j'avais un petit. Ouais. C'était qui? Alors attends, ça dépend quand, parce que j'ai eu beaucoup de monde. J'ai eu par décennie. Bruce Willis, j'ai eu. Donc ça, c'était au tout début, non? Ouais, c'était quand j'étais. J'ai eu Guillaume Canet. Mais attends, peut-être pas, alors, parce que on va évidemment. Ça, c'était hier. Bruce Willis, c'était période quel film, Bruce Willis? Die Hard. Ah, d'accord, logique. Même moi, en vrai, j'avais un peu envie. Die Hard 5, par contre. Je m'imaginais avec des stars, globalement. Je savais que j'allais quitter Mirza, c'était mon petit chéri de quand j'étais en. Déjà. On peut faire une petite parenthèse sur ce prénom? Désolé si des gens savent. Moi, je l'ai pas vu. Je l'avais pas vu non plus. Oui, bah oui. Où est passé. Ouais, c'était un chien. Mirza, c'était. Cet homme, du coup. Je pleurais. Tu sais que je pleurais parce que j'avais un. Tout le monde se moquait de lui, vraiment. Mon petit copain. De la sixième. Ouais, de 6 ans à 12 ans. Donc, ça a été mon chéri, il s'appelait Mirza. De quel âge à quel âge? 6 ans à 12 ans. 6 à 12 ans, ouais. 6 ans? Ouais. Selon un rapide calcul. Tu as resté 6 ans avec une personne. Rester dans le sens où c'était. Tu sais, il y a des hauts débats comme dans tout couple. J'avais fait un truc chelou, je lui avais enlevé une mèche de cheveux et je l'avais enfermée dans une boîte parce que je croyais que j'étais un peu une sorcière. Tu l'avais éventré aussi en faisant croire qu'il était mort. Non, mais j'étais gênant, qu'il est décédé. J'étais vraiment sombre. Mais après, je suis devenue plus lumineuse, mais j'étais un petit peu, ouais. Un petit peu sombre. Il est quand même resté 6 ans avec cette tarée. Avec quelqu'un qui n'a pas un vrai prénom. Mais bref. Non, non. Qui a un prénom. Lui, il est resté 6 ans avec Nabil. C'est serbe. Ah, oui, oui. C'est serbe. Mais bon, bref. Et donc, je savais pas que c'était un vrai prénom. J'ai juste. Ça ouais, m'a ouais, surpris. Si, voilà. Si, Mirza, je pensais c'est... que c'était juste une chanson de Nino Ferrer. Ouais, Mirza. Mais je savais que je le quitterais pour une star plus tard. Tu l'as prévenu au début. Tu fais écoute, là, on s'amuse bien tous les deux, Mirza. Mais il y a Bruce. Je te rappelle qu'à 16 ans, je pars avec Bruce Willis. Il ouais. Y a eu Leonardo DiCaprio, bien sûr, quand j'ai. Quand donc là, j'étais ado, du coup. C'est Basketball Diaries, donc. C'est après Titanic. Non, c'est avant Titanic. C'est même avant Romeo. Elle a fantasmé sur DiCaprio before it was. Bah, Rimbaud Verlaine. Avant Romeo et Juliette. Rimbaud Verlaine, j'ai été complètement. Je sais pas. Bon bref, et ouais, donc je m'imaginais pas avec mon chéri d'enfant, je m'imaginais plus loin. Je suis en train de me dire que moi aussi j'avais une chérie qui est restée longtemps. En fait, c'était la chérie quand t'es enfant ouais, et chériez, après mais en fait elle ouais. Est restée hyper longtemps. Ouais, moi j'en avais une qui est devenue vraiment fermière. Allez, c'est pas pour moquer des fermiers mais c'est vraiment l'inverse de mon métier à peu près. Non, mais parce que c'est drôle parce que c'était cette nana là que j'imaginais aller à Cannes avec moi. Vous travaillez dans la culture tous les deux. Oh, je t'adore tout simplement. Ça c'est beau. Mais c'est marrant parce que en fait, t'es pas à l'abri de faire un navet. Un jour, c'est ouais. Comme ça qu'on appelle un mauvais film. Je te le souhaite pas, Flaubert. J'arrête de t'interrompre. Allez, salut. J'arrête. Terminé. J'ai fait un bide là. Non, t'es bien. Moi, j'espère qu'il y en aura 4 autres. Courge. Ça me suffit. Non, mais parce que cette nana qui s'appelait Anaïs, d'accord, pour ne pas la nommer, Anaïs. On était amoureux enfant. Genre, je me souviens, un truc fou d'enfant, on avait fait le toboggan du McDo en même temps, quoi. Donc, un truc incroyable. Un beau souvenir. Un très beau souvenir c'est de couple. Et après, bon, c'est moins vu, donc on n'était plus vraiment amoureux. Puis on a la grandi. Routine. Sauf qu'après, non, bah, on se voyait juste plus parce que voilà, c'est ton amoureuse parce que les parents sont amis, en fait. Ouais, et après, t'as 13-14 ans. Et tu dis, bah, c'était mon amoureuse, donc techniquement, il y a peut-être moyen d'aller voir et tout. Et voilà, et du coup, je me disais, au pire du pire, il y a cette meuf, alors que pas du tout, vraiment pas du tout, parce qu'il n'y avait rien, parce que c'était juste, on était juste amoureux quand on avait 6 ans. Ah, mais donc, oui, d'accord, ok. Tu vois, c'était un espèce de Joker. Truc. Bah non, mais même potentiellement ma meuf, en fait, je m'étais dit, franchement, si j'y vais, je pense qu'on sera ensemble. Faux, vraiment bah, l'inverse. Non, faux. Attends, elle t'a mis un râteau. Oh parce qu'il lui avait roulé une pelle. Elle peut, voilà. Parce que j'avais tenté de lui rouler une pelle. Comme oui. Exact. Yes. Et ben... Une truelle dans le dos. Non, ça marche pas. Oh, tu l'as bourré. Ah ouais, non, c'est le podcast. Hein. C'est lent. Bah, allez, oh, Adrien, t'en as une petite derrière le coude, non? Serre-moi une lampée là. Moi une lampe. J'ai eu l'impression de voir Anaïs. Bon, ouais, elle travaille dans les champs, puis toi, c'est le champ de la caméra, bien sûr. Hein? Hors champ, c'est ce genre d'expression cinématographique. Le champ, c'est un mot qui existe dans le lexique du Cinoche. Donc ça marche. Arrêtez de faire cette gueule derrière votre ordi. Elle marchait, ma blague. C'est juste que tout le monde est lassé par mes interventions. Hashtag elle marchait la vanne hein, sur voilà. Les réseaux sociaux. Adrien, toi, t'avais une amoureuse, quelque chose, quelqu'un Vraiment peu, non. Non, vraiment pas personne. Mais tu t'imaginais pas grand te mariant sous une pluie de pétales ou... C'est vraiment aussi un domaine où j'avais très peu d'ambition et ça s'est vraiment ressenti sur ma vie. Non, vraiment. En fait, le truc, c'est pas une généralité puisque t'es un peu dans le même cas que moi, mais moi, je pense que j'ai aussi eu l'exemple assez tôt de mes parents qui ont divorcé quand j'étais assez jeune et je me suis dit, peut-être qu'inconsciemment, je me suis dit, ça a pas l'air d'être vraiment le genre de truc dans lequel faut s'investir à fond, quoi. Non, je me dis peut-être qu'inconsciemment, j'ai mis ça de côté parce que voilà, il y a, et puis j'étais aussi assez, assez réservé, timide et tout ça et. C'est fait partie des trucs aussi que je suis pas allé là on fait donc c'est ma psychanalyse pour corroborer à ton truc moi c'est aussi que j'ai découvert la masturbation très tôt donc je me suis dit bon moi, ça va, très y a tard, pas besoin hein. Et puis moi j'avais pas le temps je voulais être ninja aussi je te rappelle que voilà je veux dire les tortues ninja n'ont pas de femelles tortues femelles tortues d'un autre métier mais de en copine les tortues boulangères hein, voilà mais femelles c'est il n'y en a pas voilà donc je me suis dit j'aurais eu ça de ma vie. Et Justine, tu rêvais de rien foutre avec un mec ou pas du tout? Mais alors ça va vous paraître étrange mais j'ai pas de souvenir non plus de me dire ouh là là non. Ah ouais. Bah non, mais j'avais. T'étais nihiliste en fait, très clairement. Tu t'es battu les couilles de tout. Non, mais alors, c'est venu à dos. Ouais. Et puis là, par contre, attention. Ouais. Bah oui, non, mais c'est venu sur. Bah ouais, je me souviens de Die Hard, DiCaprio. Oui, monsieur. Mais autre chose sinon. Qui était hard, peut-être. Ouais. Sinon, petite. Il n'y a rien. Si, la bite a brochouillé, ça limite, mais. J'ai rien. Cette blague va nulle part. C'est la merde. Je sais pas, je tente des trucs. J'ai senti un creux, pardon. Oh là. Oh bah vas-y, quand tu dis rien depuis 10 minutes, je tente des trucs, moi, pardon. Ah, c'est pour critiquer. Là, c'est on est contre le mur à la boue, mais on se moque de ceux qui dansent. Eh bah. Ah putain. Mais alors ado du coup, tu t'es dit, parce que moi j'essaie de tenir un peu une émission, hein, qui est, voilà. Et donc ouais, non Justine, rien même, enfin adolescente du coup, tu t'es dit, ah tiens ça pourrait être cool, t'as pas eu un amour où tu te projetais, tu te disais, là pour le collège lycée ça suffit, mais parce que normalement on se projette beaucoup quand c'est les premiers amoureux, ouais. Moi je sais pas trop, hein, parce que vraiment entre la... Mais déjà ça marchait pas. Ah oui. Non c'est pas, j'ai qu'est-ce pas... Qu'est-ce qui marchait pas? Bah les mecs, les relations, enfin t'es quand même au lycée, au collège, c'est pas l'endroit idéal, enfin c'est pas la période idéale ni l'endroit idéal effectivement pour rêver un truc. T'as pas eu des prétendants, t'as pas eu plein de lettres, des trucs, non. Des lettres signées avec juste la première lettre du prénom. Non. Ou découper des lettres découpées dans du papier journal qui demandait une rançon par exemple, non. Ou un, ou un bocal avec du sperme, avec écrit les initiales dans un cœur. Si. Ah oui. Ah, voilà. Donc tu dis dénué de romantisme. Donc on était dans le même lycée, voilà. Donc tu pourras me le rendre. Non, mais en plus, mes parents étaient un peu contre ça. C'est-à-dire, il y avait un côté. Ah oui, non, ma fille, tu verras pas de top tout de suite. Dis donc, tu vas pas sortir ce soir et tu vas pas. Donc du coup. Non mais dommage. Enfin, ah bah oui, dommage, effectivement. Donc du coup, je m'étais dit, oh bah ça, quand je serai un peu plus adulte et tout, ça... C'est drôle parce que moi, ça m'a fait... Ils ont fait l'inverse, mes parents, mais c'est tout aussi traumatisant. Ils ont été... C'est-à-dire que moi, mes parents, c'était genre, oh bah regarde-le comme il est beau. Non mais elle tombe toute à tes pieds, hein, au collège. Elle tombe, je dois tout être amoureuse de toi. On a vu en plus une photo. Et toi, t'es là, tu fais, faux, regarde mon faciès. Tu es ma mère, je comprends. Mais vraiment, sois un tout petit peu objectif. Bien sûr que non. Bien sûr que j'ai aucune meuf. Et je crois que c'est limite pire d'avoir des parents qui disent « Oh, regarde-moi ça. Oh, la beauté de cet enfant. Oh, elles doivent toutes tomber à ses pieds. » Et vraiment, toi, t'oses pas lui dire non parce que t'as un petit peu de fierté. Et tu rentres chez toi et tu fais vraiment « Il y a que ma mère qui me trouve beau dans le monde. » Faut préciser que t'étais laid. T'étais vraiment laid. Ah, j'étais dégueulasse. Voilà. Non, j'étais infâme. Parce qu'à la limite, si l'enfant est vraiment beau, il y a moyen peut-être de... Non, mais je parle du fait de que... De construire une confiance sur des faits réels. Là, c'était vraiment rien. Non, mais je te parle du fait que la seule personne qui dit que t'es beau, c'est ta mère. Oui, voilà. Et que la seule personne qui dit tu plais aux filles, c'est ton père. Oui, voilà. Donc ça qui est, ça... je le rappelle, pour le running gag, un rasta blanc. Voilà. Non mais donc du coup c'est vraiment compliqué. Donc toi tes parents, ouais, c'est. Ah moi c'était complètement l'inverse. C'était. Moi mon père me donnait des capotes, donc c'est quand même. Ouh là là, c'est non, faux. Pas c'est moi. Principalement faux. Ça me rappelle pas. Non, il y avait une espèce de pudeur tabou par rapport à tout ce qui est au fond, je pense. Au fond, ouais. Au fond des choses, voilà. Ouais. Mais même petit copain, petite. Je me souviens d'une fois où j'avais dû dire, j'ai vu machin, machine, ils t'ont fait des bisous, je me suis fait engueuler. Ah ouais. Merde, ouais. Ton père était pasteur dans un film des années 90, donc, rappelons-le. Donc j'avais senti que c'était pas... je me sentais loin, là. Ma faute. Moi, j'avais un... Non père. Mais ça va, hein, mais... Mais non, mais c'est les parcours, c'est les bien parallèles rattrapé de depuis, vie. T'inquiète. Non, mais c'est les parallèles, c'est de voir qu'on n'a pas du tout grandi avec les mêmes clés, les mêmes... Ouais. C'est, ouais. C'est fou. Parce bon, que voilà. Toi, il te disait, vas-y... Va pécho des gars, vas-y, va ma fille, viens, ça va être bien. Mes parents, ils parlent. Regarde, il te regarde, va lui parler, il te regarde. Non, mais excusez-moi, mes parents parlent beaucoup de sexe. Donc, là. Le père de Navi était juste le Franck Gaston Bide, en fait. C'était ça le délire, quoi. Non, mes parents, ils parlent beaucoup de. Bah, ils ont fait un truc très gênant, mais je crois que tu voulais parler. Non, vas-y, là, ça a l'air. Tes parents ont fait un truc gênant. Alors, bah oui, il n'y a pas très longtemps, là, pour Pâques, mon fils, il a envoyé une balle de tennis dans les couilles de mon rep sans faire exprès. Yes. Okay. Mais c'est, tu sais que c'est un sport hein, dans certains pays. Et là, ma mère, elle fait oh non, Lucien, arrête. Donc, Lucien, c'est mon fils. Arrête parce que tu sais, je m'en sers encore un peu. Il a dit pour me taper des bonnes queues. Mon père a répondu. Viens baiser ta grand-mère. Tu t'en sers plus trop en ce moment. Ah, ce il à dit quoi pas avec toi. Ma mère lui a répondu franchement, plains-toi. Et donc, du coup, j'étais là avec mon fils et j'ai vraiment réalisé, parce que moi, ça m'a pas gênée. Tout le monde a toujours parlé de cul, comme de politique, comme de tout, mais de façon très tranquille. C'est genre. Décomplexé. Ouais, mais sans non plus l'ériger dans un truc. C'est juste, ouais, on a parlé de sodomie, bah, de tout en fait. Il n'y a jamais eu de tabou à la maison là-dessus. À Noël. Mes parents seraient morts. Ouais, non, mais je pense. Du coup, j'ai pas compris tout de suite que c'était un tabou pour d'autres. L'arrivée à la fac a été plus compliquée parce que je croyais que tout le monde, toutes les familles, elles parlaient de ça. Donc, quand t'as rencontré ton premier beau-père, ouais. T'as fait alors, ça se fait sucer. Alors, vous branlez sous la mais table non, mais... ou pas ah. Je rigole. Mes parents, ils parlaient de sexe, mais sans vulgarité. Mais ils d'accord. En parlaient comme c'est hyper important. C'est bien, plutôt une bonne chose, ouais. Hein, moi, je trouve. Voilà. On disait, c'est hyper important de s'entendre sexuellement. Ouais. Jamais tu te maries sans avoir baisé avec ton gars pendant des années. Enfin, tu vois. Ah, tu veux dire que t'as pas eu la phase gênante où tes parents te parlent de sexe pour la première fois? Non. Moi, j'ai fait sortir mes doigts à mon père. Chut. Non. Non, bah non. Non. Non. Il a fait Rastafari. Il a joué du diable. On a fait ça à la fête de l'humain, on allait voir la ruquette derrière. Et on a allumé des diabolos. Toi, Valentin, t'avais une anecdote aussi de... Non, moi, c'était. Mon père me demandait toujours, constamment si j'avais une amoureuse. Oh, et au bout d'un moment, c'est chiant. Ben ouais. Et en fait, ce qui était horrible, c'est que. Parce qu'effectivement, petit, j'étais toujours amoureux. De toujours, absolument. Ah, oui, tout le temps. Chaud. Oui, toujours un peu maintenant. Hein. des gens en général. Ah, t'aimes genre. Je me rattrape. Ça faisait vraiment genre, tu trompes ta meuf, c'est faux, bien ouais, sûr. Non. Et du coup, j'étais vraiment toujours amoureux. Et mais je voulais pas en parler. Ouais. Mais mon père me demandait toujours. Alors, et la moindre fille à qui il me voyait parler, du coup. Oh, l'enfer. C'est dans Les Beaux Gosses, ça. C'est une scène des Beaux Gosses. C'est la mère qui tient absolument à ce que son fils. Mais en fait, sexuel. Je pense que ça m'a passé. Et moi, c'était genre en primaire, j'étais toujours amoureux. Et après, quand j'ai commencé à grandir et au collège où j'ai commencé à comprendre un peu plus comment ça marchait. Et en gros, là, bah non, mais mon père, je pense qu'il était resté là-dessus. Et du coup, la moindre fille, c'était alors, t'es amoureux, etc. Et jusqu'au jour où j'ai enfin une copine. Et oui, en tout cas, où je suis prêt à le dire, ben voilà, et j'étais assez fier, tu vois, ça faisait quelques temps et tout. Et du coup, ils s'en foutaient royalement. Voilà, j'ai fait oui, et du coup, et en fait, voilà, je voulais dire, bah, ça ah, tu t'attendais à. Mais ouais, c'est genre, ça fait une je sais plus combien de temps que j'ai une copine. Et il fait ah, c'est bien, ah, cool. Et donc, je l'ai dit, je fais tu m'as cassé les couilles pendant je sais pas combien d'années, et là, quand t'aurais ça pu, arrive. T'aurais pu investir dans un petit cadeau. T'aurais quand même pu. Une fanfare, ouais. Mais en vrai, d'argent de poche. Je pense que s'il a réagi comme ça, c'était vraiment parce qu'à l'inverse, il s'est dit ah bah faut pas que je sois relou et tout, je vais pas lui poser des questions, et il a voulu bien faire, et du coup, ça a fait l'inverse total. Et, et après, ça s'est très bien passé. Moi, ma grand-mère même continue à me dire dès qu'il y a quelqu'un de mon âge, genre oh, faudrait que tu la rencontres, elle tirait bien quand même. Alors que vraiment, elle vit en Bourgogne, ma grand-mère, je vis à Paris, donc ce serait très idiot de ma part. Mais c'est mignon. Non, c'est mignon, mais dès qu'il y a quelqu'un de mon âge, j'ai fait oh, t'irais bien quand même avec la ch'tite. Avec la fille des. Avec la ch'tite des deux télos. Avec les deux télos, t'irais très bien. Alors que vraiment, très peu. Très bien, et ben en tout cas, merci à tous pour ces petites anecdotes. Bah oui, parce que ça fait déjà une heure et demie qu'on enregistre. Oh non, vache. Je te jure, bon, après il y a du montage. Il y a beaucoup de. Les gens diront attendez, ça n'a fait pas une heure et demie que vous discutez. Et ça on ne fait, fait pas, ils le diraient comme ça. Bah oui, c'est le principe. Ils ont tous des accents de d'accord, films des années 80. Voilà, bien. C'est le principe. Dernier petit tour de table pour rappeler l'actualité de chacun. Justine Le Potier, toi je tu. Je sais pas. Si, toi tu as des sketchs qui sortent bientôt. Ah oui, oui. Voilà, tu as tourné un sketch avec toi. Mais avec toi. Que j'ai réalisé, mais oui. Avec que tu as écrit, oui. Avec on va pas dire tout le casting moi parce aussi. Qu'il y a des petites surprises. Il va sortir. Ah non, très bien. Je crois qu'il sort mi-mai, donc c'est quand même dans quelques temps. Oui, on peut donner le thème. Je pense qu'on peut dire que tu joues avec Jules Fenouil, Jules Fou, Julien Josselin. Oui, avec Julien Josselin. Julien Josselin. Voilà, on n'en dira pas plus. On peut dire qu'il y a un grand comédien qui est dans le sketch. Oui, voilà. Donc ce n'est pas Jules Fou, c'est ça que tu veux dire. Si, si, il y a le très très bon Julien Josselin et un comédien historique de comédie. Oui. Je pense qu'on peut dire ça. On peut le dire. Sans trop teaser. Oh, c'était bon en marquette. T'as vu ça? Voilà. Putain, t'es meilleur que moi. Et c'est pas Guy Montagnier. Voilà. Voilà. Adrien Méniel, toi, tu as des sketchs de Tour du Bagel, toujours. Une dépression, toujours, que j'entretiens, voilà, qui ça se passe. Comment bien. Va-t-elle d'ailleurs? Excellent, ça se passe extrêmement. Je rappelle bien. Qu'on lance un Ulule pour financer voilà. Le psy d'Adrien. voilà. Déjà trois contributeurs. Exact. Et bah il y a le sketch show Le deuxième. Le 2 là dont le tournage commence la semaine prochaine. J'ai quelques rôles dedans, je suis très content. C'est très cool. Comme je l'ai déjà annoncé dans d'autres des floodcasts précédents, le mec qu'on écoute jamais dans un film qui revient, donc je suis très content. Ouais. Et puis la série c'est Disney toujours Channel. La série Disney Channel qui commence bientôt. Et puis alors je peux pas trop en dire, je pense je me suis pas renseigné, mais je vais tourner dans une série que je suis content, une série française que je, moi-même je suis spectateur et je vais avoir un petit rôle dedans. Je peux pas trop en dire, je pense. Moi je sais ce que c'est. Voilà, ouais. Je suis très content. Une série très cool que vous regardez sûrement. Si vous voilà, il y a un petit rôle. Nos pires voisins. Voilà. Exact. Valentin, parce que je disais qu'Adrien a joué dans une série pour Disney Channel. Oui, que sur laquelle tu as eu la chance d'être, de faire partie des auteurs. On était trois auteurs dessus, donc voilà, j'étais très content. C'était une nouvelle expérience pour moi. C'était une série. C'est une série un petit peu plus pour les enfants, je c'est crois, une série. Ados. Alors, c'est même 7-12 ans, on m'a dit. Ouais, et donc, c'était, en fait, c'était vachement bien parce que c'est une série pour Disney. Donc, c'était écrire avec beaucoup de contraintes. Mais du coup, c'était hyper intéressant d'écrire dans un cahier des charges défini parce qu'à Golden, on est très libre. Ouais. Déjà, d'habitude, t'écris à l'ordi, là, c'était dans un cahier, quoi, apparemment. Excellent, cette blague, j'ai bien fait de t'interrompre. Vas-y. Oh, j'aime bien, tu sais que j'aime je bien. Sais, mais... Et non, voilà, c'était. Donc, ça sort, tu dois être plus au courant. Le début avril, ça commence. C'est ça. Et moi, c'est diffusé coup, où c'est diffusé sur Disney Channel et sur la chaîne YouTube de Disney Channel. Il y a, en fait, la série est un peu particulière parce qu'il y a à la fois des vidéos sur Internet qui feront les liens avec des épisodes. Est-ce qu'on peut dire l'histoire oui, fait, je l'ai déjà dit dans le... Oui, en gros, c'est l'histoire d'un, voilà, d'un jeune YouTuber au collège et donc de ses déboires et de son envie. Voilà, ce n'est pas le biopic de Squeezie, c'est une histoire originale. c'est librement inspiré. C'est librement inspiré. Ce serait bien. Oui, mais il le prépare, c'est Pierre Ninet qui fait Squeezie. Très bien. Il est très bien. Quoi d'autre ? J'ai un sketch qui sort, je suis en train de monter mon prochain sketch. Ah oui. Tu sors dans 15 jours, je crois. Un truc comme ça. Voilà, une semaine ou deux. Là aussi, avec un comédien, alors tu le dis si tu veux, mais un comédien plutôt stylax. Oui. Je vais garder la surprise, garde la surprise. Encore un petit peu. Mais je suis content, pour une fois que j'ai plein de trucs à annoncer. Dis-nous. J'ai un documentaire qu'on a fait avec Julien. Yes. Et Jocelyn. Si, j'ai le droit de l'annoncer. Avec Julien Jocelyn, on a tourné un documentaire. On a commencé il y a 2 ans maintenant, ça a beaucoup traîné. Et là, on a fini de le monter, on en est très content. Et j'ai aucune date, mais ça va être bientôt puisqu'on a fini de le monter. Donc il y a encore un documentaire sur les gens d'Internet. C'est en gros un documentaire sur l'humour sur YouTube, pour faire simple. Voilà. Mais non, mais pour ton sketch, pour revenir vite fait à ton sketch sur le sketch que tu sors dans 15 jours, ouais. On peut quand même dire que c'est, c'est un univers un peu particulier. J'ai montré des images où je peux le dire, ça se passe après l'apocalypse. D'accord, ça tease déjà pas mal, je trouve. C'est joli cool. Petit décor. Je suis très content de la tournure que prend Golden Moustache. Je trouve ça cool, on commence à avoir des acteurs qui viennent d'ailleurs et qui se mélangent un peu à notre team. Oui. Non, mais c'est vrai. Pardon. Non, mais parce ils qu'il y a. D'ailleurs dans... Oui, non, ce n'est pas des aliens, je parle d'acteurs vraiment du vrai monde. Non, parce que dans le sketch de Justine, il y aura un comédien. Très d'ailleurs. Talentueux et qui vient d'ailleurs dans le sketch de Valentin aussi. Moi je viens de tourner avec Jonathan Lambert. Donc, je trouve ça trop cool la tournure. C'est bien qu'on mélange un petit peu les univers. Que, ces gens acceptent enfin de jouer dans nos sketchs aussi. Ouais, non, mais qu'on leur propose même. C'était un truc auquel on pensait même pas avant. Et on en a proposé à certains qu'on dit non. Il faut être honnête. Hein. Vraiment, il y a eu une époque. Hein Monsieur il y a eu des Alain Delon. L'époque où j'étais directeur artistique, c'était très difficile. Ouais, on peut le dire. On peut dire que Alain Delon a refusé Nono Porno de Thomas VDB. Il a joué une des deux meufs qui suce Lucien. Il a refusé. Petite anecdote. Dans le sketch Le Canular de Vincent Tirel, dit le passage où il dit ta meuf, c'est pas ta meuf, c'est une biche. Normalement, alors c'était écrit, je pense que Vincent m'en voudra pas le dire. Normalement, c'était écrit ta meuf, c'est pas ta meuf, c'est Benjamin Biolay. Et il enlevait son masque et c'était Benjamin Biolay. Ouais. Et il faisait salut. Il fumait une clope sous le masque. Salut. C'était très drôle. Et ça s'est pas fait, machin. Et on a vraiment, vraiment essayé de trouver juste un guest, n'importe lequel. On n'a pas réussi. Il y a des refus de partout, etc. Ils n'avaient pas proposé un politique à un moment ? Il y a vraiment beaucoup de noms. C'était pas Arnaud Montebourg, c'était non, le mec du Front de Gauche. Olivier Besancenot. Non, c'est pas lui que je pense, mais. Ils avaient proposé Besancenot, je crois, à l'époque. C'est putain, bon, on est en train juste de chercher un nom, mais non, le mec mais qui ouais. est. Mélenchon. Ah oui, c'était Mélenchon. Mélenchon. À un moment, et quand il a même, car j'avais eu, vraiment, comme on trouvait pas de guest. J'ai creusé à droite à gauche dans mes contacts, j'ai eu le contact de Mélenchon, j'ai dit écoutez, je l'ai si vous voulez. Donc sans doute quelqu'un a proposé à Mélenchon. Il a fallu avoir Mélenchon dans le canular. Mais c'est pour dire que ça c'était après avoir écumé tous les contacts de comédiens qui avaient refusé quoi. Donc moi aussi je suis content qu'on ait enfin des gens Voilà, moi, bon, Jonathan Lambert, entre le moment où Jonathan Lambert, entre le moment où je lui ai proposé de venir travailler avec nous et le sketch l'handicapé, il s'est passé un an et demi, je crois, un truc comme 12 ça. Ans. 12 ans. À l'époque, il venait de rentrer en comédie. Non, non, mais ouais, il s'est passé du temps. Des fois, ça prend un peu de temps et des fois, ça va assez vite. Pef, ça a été très vite, par exemple. Pef, voilà. Vraiment, il a accepté en deux semaines. Crème, c'était bien. Crème. C'était, c'était très cool. C'est très cool qu'il ait accepté. Virginie, toi, dans ton actualité actuellement, tu sors un livre. Quatre. Quatre livres, tu sors ouais. Quatre livres d'un les, coup. Les deux prochains mois, ouais. Putain, c'est dingue. Ouais, mais je vais surtout en parler de deux en particulier. D'accord. On a donc un livre avec Sophie Marie. Sophie Marie, oui. Oui, tout à fait. Pardon, comédienne juste... qu'on a vue récemment d'ailleurs dans mon sketch L'Handicapé. Qui est formidable. Jonathan, qui est très très drôle. Qui est très bien, ouais, elle est super. Et donc on a écrit ensemble un livre qui s'appelle Star 90 Mag, qui est une parodie des magazines des années 90, oui. Dans lequel... Un petit teaser, on a un boys band dans lequel il y a quelqu'un autour de cette table qui a posé pour nous et c'est merveilleux parce qu'il se retrouve en couve tellement c'était beau. Ah ouais. Donc il n'y a pas que moi. Hein. Non, non, il non, a son a... boys band qui s'appelle les Angel Boys. Ouais, ouais, mais c'est des gens que partie. Je pense les auditeurs connaissent. Pas dans les Angel Boys, mais bon, il y a quelques personnes que vous connaissez. Dans le livre, il me semble. Dans le livre, tout passer, à fait. Ouais. On a Eleonore Coste, Nicolas Bern. Oh, j'ai pas tout le monde. Ouais, mais en tout cas, donc ce livre sort en mai. Et j'ai un autre livre qui sort qui s'appelle Super Gentil, yes. Qui est un guide sur comment être gentil au quotidien sans se faire écraser et pouvoir dire merde, etc. Et c'est un livre auquel je tiens puisque je vais reverser mes droits à une association donc pour les familles victimes du terrorisme. C'est le Ulule contre la dépression. Non, ce qui ferait que l'acte d'achat soit un premier acte de gentillesse. Ouais, donc. Donc voilà. Ah, c'est cool, c'est malin, c'est bien. Et j'écris ma BD pour Delcourt qui va sortir par contre l'année prochaine. Bah, ça sur, prend plus de temps. Hein. Ouais, sur la collaboration horizontale qui à la base est ma spécialité. Collaboration horizontale, peut-être pour les gens qui ne sont pas au courant. Oui, bien sûr, je raconte, c'est les femmes qui avaient des rapports sexuels avec les soldats pendant la guerre. Yes. Donc on appelait ça la collaboration horizontale. On les appelait Mamie Bernard aussi également. Également qu'on embrasse. On embrasse. Et Mamie Navi aussi. Donc, on les embrasse toutes. Sur les tondus, etc. Et donc ça sortira l'année prochaine. Voilà. Ok, d'accord. Cool. Bah, plein de bons projets. Ouais. Bah écoutez, très bien. Bah merci en tout cas d'être venu. Merci à toi de l'invitation. Bah non, mais oui, de rien. C'était super. À très bientôt, c'est très rigolo. Je veux, comme promis, on se quitte avec une chanson d'un invité spécial. Puisqu'il s'agit du chanteur Renaud qui nous c'est rien écrit. Hein. Non, non, mais de toute façon, Valentin t'écrirait pour Renaud. C'est non, Renaud. C'est Renaud qui écrit ses propres chansons. Donc c'est pas toi. Voilà. Donc Renaud qui a écrit une chanson sur le sida. Et on se quitte là-dessus. Bisous à tous, ciao, ciao. Bye. J'ai écrit cette chanson, je vous ai écouté sur le canapé, j'ai pris un paquet de cigarettes qui traînait, je l'ai retourné, j'ai trouvé un crayon, donc j'ai enfilé deux, trois rimes. Le sida, comme l'a eu papa, moi j'aime pas ça. J'avais dit, tu couperas s'il te plaît.